Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Affirmatif. Ah, bonne Oui, on t'entend nouvelle. tout. Je crois que les autres, ils sont mutés, c'est pour ça qu'ils peuvent pas répondre, en fait. On va les démuter, Ouais, là. je vais. Ouais, on va démuter tout ça. Bah, bonjour à vous, alors, bienvenue dans la caserne. Je sais que vous allez pouvoir répondre dans 2 secondes, attendez qu'on démute tout ça. Voilà, vous entendez normalement, ça va? Vous êtes Très là? bien, on Ouais. t'entend Très très bien, bien. merci. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. Hello. Ah, je reconnais la voix de Lila, si je m'abuse. C'est moi. Salut Lila. Eh bien, bienvenue à vous pour ce petit live en direct de la caserne. Alors, moi, ma première question que j'ai envie de vous poser, c'est savoir qu'est-ce que vous, justement, vous avez pensé de l'action qui a été faite par Génération Identitaire, et est-ce que c'est bien parce qu'il y a eu on va dire, il y a eu quand même une énorme couverture médiatique, donc ça permet de mettre lumière sur quelque chose, ou alors ça n'a aucun effet, c'est de la com et que ça porte pas ses fruits, il y a d'autres actions à mener. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va commencer. Faites clignoter comme d'hab votre pseudo, comme ça je vous donne la parole. Alors, j'ai pas vu Pierre, j'ai rien vu clignoter, non? Ah si, Wanasdra, c'est vrai ce que je me disais. Et après Val, vas-y. Alors moi, j'ai trouvé que l'action de Génération Identitaire a été une très très belle action et qui peut montrer aux hommes politiques qu'il y a de la volonté en dessous, on peut avoir une volonté d'envie de faire quelque chose si on le veut. Et ça, Génération Identitaire, il le porte très très bien. Et pour la couverture médiatique dans les journaux mainstream, ben, c'est toujours la même chose, hein. Tu sais, avec toute la propagande, ouais, c'est pas bien, même les partis politiques comme LREM, le PS, les Insoumis, tout ça, ils sont contre. Ben, je peux penser que il y a encore d'autres combats à mener que celui-là, mais pour moi, c'est une très très belle action qui a été faite. Ok, vas-y Val, tu voulais prendre la parole? Ben, moi, je suis ébahie par tant d'action, en fait, parce que je perdais espoir. Donc, ben, s'ils nous écoutent, je tiens à les féliciter. Surtout de ne pas lâcher. Et puis j'ai trouvé que c'était une excellente idée dans la non-violence, avec un maximum eh bien de retentissement, parce qu'on en a parlé partout. Et c'est pas évident, parce que tout ce qui concerne le problème des migrations, on n'en parle jamais dans les médias. Ou si on en parle, c'est pour dire que c'est très bien. Donc, franchement, bravo à eux. Par contre, c'est les répercussions, moi, qui m'ont beaucoup choquée, notamment l'intervention de la Ligue noire, je sais plus, africaine, je Ouais, la crois. défense africaine, Ligue de défense africaine. Ouais. Voilà, merci de me dire. Et cette espèce de monsieur, une énorme brute, là, qui est allé faire son show au cri de l'école, j'ai trouvé ça totalement aberrant, totalement choquant. C'est pas digne, c'est extrêmement violent et je pense qu'il va falloir faire quelque chose parce que ça peut plus durer. Ok, qui est-ce qui va intervenir? Faites clignoter votre pseudo, Juvin, vas-y. Alors, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant comme approche. Après, moi ce que je me demande, c'est les répercussions réelles que ça va avoir. C'est-à-dire que pour moi, dans la communication, ça a l'air très intéressant, mais au final, est-ce que c'est plutôt quelque chose pour montrer la cause ou c'est quelque chose qui va avoir des vraies répercussions dans le futur? C'est une question que je me pose. Mais tu trouves ça positif ou pas? J'ai pas compris. Alors moi j'ai trouvé ça super positif dans le sens où les citoyens prennent en charge quelque chose que l'État devrait faire. Et les mouvements citoyens comme ça, c'est, je pense que c'est une approche hyper positive. Mais après, est-ce que ça a vraiment des répercussions? C'est ça la question. Ok, c'est qui voulait intervenir? Lila? Vas-y, Lila. Alors, moi, j'ai été épatée. Et justement, je pense que les moyens qui ont été mis en œuvre, notamment les hélicoptères, etc., je pense que ça a montré à plein de nationalistes qui peut-être ont l'impression que c'est difficile de se rassembler et justement de créer ce genre de rassemblement. Ça a montré que oui, c'était possible en fait de se rassembler, de faire quelque chose de sérieux, dans la cohésion avec une organisation derrière et une réelle détermination. Et je pense qu'au niveau du pays, même si dans les médias, ils ont été beaucoup critiqués, je pense qu'au niveau des nationalistes français, enfin au niveau des nationalistes, je pense que ça nous a quand même apporté une certaine motivation. D'accord. Qui est-ce qui veut intervenir encore? Faites clignoter. Turic Barbie. Ouais, bah pour revenir sur l'action de génération identitaire, moi je trouve que c'était une action de toute beauté, quoi. Ils ont ridiculisé le gouvernement et démontré l'hypocrisie de leur discours de dire ah on n'arrive pas à contrôler les frontières, bah on s'aperçoit que c'est bien de la merde en fait ce qu'ils nous racontent et que si les migrants rentrent c'est qu'ils le veulent bien. Et on peut même aller plus loin, parce qu'ils donnent un pouvoir incroyable à la Turquie en leur laissant le contrôle des frontières au niveau de la Grèce. Alors on peut se poser la question, mais c'est pourquoi donnent-ils ce pouvoir-là aux Turcs, quoi? Parce qu'on voit que, bon, avec une relative facilité quand même, ils ont réussi, c'est possible de contrôler les frontières. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et donc, génération identitaire vient l'a bien démontré. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, je peux intervenir. Ne t'énerve pas, parce que sinon on coupe. Vas-y. Ah non, je veux pas m'énerver. Non, je suis calme. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Non, génération identitaire, j'ai trouvé ça formidable, surtout quand j'ai vu un petit peu la réaction suscitée dans mon entourage. Ça fait effet, quoi, effectivement, ces jeunes qui partent dans la montagne pour remettre une frontière symbolique. Et la réaction, moi, qui m'a déçu, c'est la réaction notamment de Philippot, qui dit que oui, génération identitaire fait le jeu du gouvernement. En quoi génération identitaire fait le jeu du gouvernement? Alors, je ne sais plus s'il y a d'autres réactions qui m'ont déçu, mais en gros, dans les médias, on a vu quand même une dame sur ces RMC, les grandes gueules, une afrodescendante qui trouvait ça inadmissible que une association comme ça fasse le travail de la douane ou de la police, que c'était pas normal. Et en fait, alors tu te demandes si elle dit ça par conviction ou par solidarité ethnique. Et c'est là où je me rends compte que là où on attend les gens sur des convictions personnelles, d'ouverture à l'autre ou d'accueil de tout le monde, et ben on se rend compte que non, c'est surtout l'ethnique qui parle, quoi. Oui, il faut accueillir nos frères africains, ils ont beaucoup souffert, vous avez trop volé l'argent là-bas en Afrique, donc c'est normal qu'on vienne reprendre notre dû ici chez vous avec... Ah non, on ne peut plus continuer comme ça. C'est là où il faut se dire à un moment donné, que ce soit les Maghrébins français ou les Afro-descendants, il faut faire un choix, hein. C'est soit on sauve la France pour sauver le monde francophone, ou soit on détruit la France et après on n'aura plus d'endroit où aller et ce sera pour tout le monde pareil. Si ce radeau de la Méduse coule, on coulera tous ensemble et ça, on pourra pas, je pense, s'en sortir. Non, personne va nous lancer un gilet de sauvetage. Ok, faites clignoter votre pseudo hein, quand vous voulez prendre la parole, comme ça je vois qui veut répondre. Non, moi rapidement. Alors, c'était rapidement, hein, c'était pour dire que c'est un peu dommage, quoi. Alors la petite critique sur génération identitaire, c'est dommage, il faut que ça passe au niveau légal, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître, il y a un côté un peu aventurier, quoi. Voilà, ils sont arrivés avec un hélicoptère loué, ils ont tout bloqué, mais bon, c'est vrai qu'ils sont pas mandatés par la loi pour contrôler les frontières, les identités. Il faudra que... Alors, espérons que ça change. que ça peut faire changer l'état d'esprit de certains politiques. Alors c'est vrai, comme a dit Caras, le problème avec Philippot, alors lui carrément c'est l'effet contraire. Bah, il critique ce mouvement et faut juste espérer que ça puisse donner un coup d'électricité dans les esprits de nos chers petits politiciens. Voilà. Alors vas-y Lila. Il y a eu une fille qui était avec eux, elle s'appelle Lauren Souterne, c'est une Canadienne, et c'est une identitaire canadienne nationaliste, et donc elle a une chaîne YouTube où elle fait des micro-reportages dans le monde entier, même en Europe, où justement elle essaye de montrer un petit peu une autre vision de l'immigration que sur les médias mainstream, justement. Et je pense que la présence de cette fille-là a été super importante, et je pense que tout le monde d'ailleurs devrait s'intéresser à cette fille. En fait, dans toute l'Europe, il y a plein de mouvements jeunes, de jeunes nationalistes, en Italie, même en Suède, en Angleterre. Et je trouve que le fait qu'elle ait été là, le fait qu'il y ait... Alors, je vais reprendre. Les autres pays européens, il y a beaucoup plus de mouvements et de soulèvements qu'en France, par rapport aux nationalistes et aux jeunes nationalistes. Et je pense que le fait que cette fille-là ait été là dans cet événement en France peut-être motiver les nationalistes français à faire les mêmes manifestations qu'aux États-Unis avec de grandes banderoles, etc. Je pense que ça peut motiver un peu plus de gens. J'espère que vous m'avez compris. Oui. J'ai rien compris. Non, je déconne. Ok, vas-y. Moi, elle s'appelle Lorraine. Je suis pas bon. Sur YouTube. Je crois que c'est Roto et après Dar. Vas-y. Ouais, alors moi je voulais juste dire que ce qui était très bien là, dans leur action, c'est que surtout ça s'est passé sans violence et calmement. Moi ce que j'ai peur entre guillemets, c'est peut-être la contre-attaque en face qui peut alors par des gens justement, en plus comme on voit la fille là que tu disais dans ta vidéo qui répond à Ménard. Des gens même français, de toute façon, peu importe l'ethnie, français, et qui va répondre et peut-être, par contre, eux mettent une violence supplémentaire. Moi, je pense que c'est surtout apporter un nouvel élan de motivation pour la jeunesse nationaliste française. Quand on voit aux États-Unis les rassemblements que les jeunes font, les jeunes nationalistes, c'est vrai que parfois, c'est assez impressionnant. Ils font du bruit. Alors certes, ils ont tous les médias contre eux, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'engouement, justement, autour de ce sujet qu'est le nationalisme. Et j'ai l'impression qu'en France, surtout, je parle des jeunes, sont un peu plus timides ou peut-être ont peur de sortir dehors, de se rassembler, de manifester dans les rues, de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et je pense que la présence de cette fille-là peut peut-être permettre, en fait, aux Français d'aller regarder un peu ce qui se passe ailleurs par rapport aux jeunesses nationalistes dans d'autres pays européens qui vivent les mêmes problèmes que nous, et peut-être leur donner envie en fait, de s'exprimer dehors, devant tout le monde, et de manière donc, sans violence et de manière précise, enfin concise, comme ils ont fait Génération Identitaire. En fait. Mais nous, on est un pays beaucoup moins patriotique. C'est vrai, ouais. Contrairement aux États-Unis, et nous, on est ultra-gauchisés, c'est-à-dire que moi, je le vois dans les manifs, pour le coup... CGT, parce qu'en ce moment, je manifeste quand même. Et c'est la France Insoumise, c'est le PCF. Et nous, on a... C'est-à-dire que moi, j'en ai déjà parlé avec les ceux qui vont manifester. Ils ont énormément de mal. Et moi, je dis pourquoi le Front National n'a pas le droit de venir à la manifestation. Ils disent, ouais, mais tu comprends les racistes. Donc, il y a un vrai problème. Et moi, je leur dis que le Front National le défend... les cheminots comme les autres, donc je vois pas pourquoi eux devraient être interdits de manifester, alors que donc c'est un problème ultra-gauchisant et manque de patriotisme comparé aux États-Unis. Je suis assez d'accord. Salut, alors, Rufus. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, par contre, quelle a été la réponse concernant ce qui s'est passé là, avec la génération identitaire, la réponse d'extrême-gauche à Gap. En fait, ça a été assez symptomatique, c'est-à-dire que les mecs ont eu juste comme réponse de descendre dans la ville, d'aller taguer partout des conneries, et surtout une grosse connerie qui est, en fait, on aimerait bien avoir les transports en commun gratuits pour tout le monde. C'est-à-dire que les mecs qui sont descendus là-bas, taguer ça dans la ville de Gap, sont même pas au courant que Gap est la seule ville en France où tous les transports en commun sont gratuits. Donc, même au niveau de leur réponse, ils ont été d'un ridicule. Et je pense qu'il faut qu'on continue à faire ce genre d'action, parce qu'en face, les réponses qu'on a, c'est ridicule, en fait. Alors, et ils montrent bien, en fait, par leur action, que ben, finalement, les gauchistes ont des actions violentes. Ils ont envahi la France avec des clandestins, donc des no-borders italiens et français, qui ont fait un coup de force. On a vu la police heureux. On a vu, comrade, s'il te plaît, tu peux te mettre sur couche tout seul. Merci. Donc, on a vu donc ces no-borders faire reculer la police. Et en fait, ça montre un petit peu où ça laisse croire que l'État français est impuissant face à ce genre de débordement. Et c'est un très mauvais signe envoyé au monde entier, en fait. Et deuxièmement, sur les manifestations où le Front National ou des mouvements dits d'extrême droite, entre guillemets, sont interdits par la gauche toute puissante. Effectivement, j'ai assisté il y a longtemps, quand je faisais partie d'Égalité Réconciliation, à une manifestation pro-palestinienne. Caras, je suis obligé de te stopper parce que ton micro sature et ça fait plusieurs fois qu'on le dit sur le chat. Il faut absolument que tu baisses l'entrée, ça sature. C'est horrible pour les gens. Ok, ben ouais, je le fais. Mais j'en profite pour m'excuser. Ton micro, ou que tu t'éloignes quand tu parles, je sais pas, mais il y a un truc à faire. Ouais, ça doit aller mieux là, non? Je sais pas. Un petit peu mieux, mais à mon avis, il faut que tu t'éloignes un peu. Ça va mieux. Y a... Ouais, mais l'entrée doit être un peu mieux, un petit peu mieux. Ouais, c'est vrai. L'entrée doit être éloignée un petit peu. Je m'éloigne. Bon. Donc c'est vrai qu'on avait fait une manifestation pro-palestinienne où il y avait donc la CNT, le NPA, tous les mouvements gauchistes. C'était pendant la guerre de Gaza 2006, je crois. Donc j'étais avec Égalité et Réconciliation et on a été attaqué par tous les groupuscules d'extrême gauche qui étaient là. Et on a été pris dans une nasse après par les CRS pour nous empêcher de manifester, en fait. Et ce jour-là, je tiens à le préciser, Alain Soral n'a pas été gazé, comme il le dit. Voilà, c'est un menteur. Ouais, bon, non, mais. Et un pharisien. Ouais, d'accord. C'est pas le propos, de toute façon. C'est bon, quoi. Je vous ai déjà dit, quand on fait des lives, d'arrêter, de toute façon, d'évoquer les autres gens, parce que toujours, ça anime, justement, l'esprit clash que, dans lequel, moi, je veux pas tomber. Donc, voilà. Ah, reste... désolé. Oui, je préfère être clair là-dessus. Ouais. Donc, vas-y, Lila. Excuse-toi. Hey. Je m'excuse. Moi, je voulais revenir sur un truc par rapport aux gauchistes violents. Là, on a eu des gars qui avaient des doudounes. Alors, un truc tout con, des doudounes bleues. Ils avaient tous les mêmes vêtements. Les banderoles, ils avaient une grande affiche avec un logo très propre. Quand on regarde les vidéos, ils étaient tous alignés de manière très propre. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué, en fait, c'est que quand j'ai vu les vidéos des gauchistes qui faisaient... Donc, il y a des gens, en fait, qui ont fait passer des migrants pour contrer, en fait, l'action de Génération Identitaire. Quand on regarde ces gens-là, il y avait un mec avec des dreadlocks, des trucs dégueulasses. L'autre, il avait carrément un bandana sur la tête. Et en fait, je pense que déjà, au niveau de la communication, ils ont vraiment bien fait les choses. Même sur Twitter, les tweets qu'ils ont postés, c'était très... Des tweets assez drôles, mais très, très... Pas dans la provocation, en fait. Contrairement au comportement des gauchistes. Enfin, je pense, c'est mon avis. Très bien. Donc, faites clignoter si vous voulez répondre. Juvin, je vais te démuter parce qu'après il va croire que on va le boycotter. Donc vas-y, si tu veux répondre, tu peux. Bah écoutez, le sujet a changé. Moi, franchement, j'étais pas venu pour semer la zizanie. Là, ce que je vois, c'est que de toute façon, voilà, c'est hors sujet. On pourra en reparler une autre fois. Je suis désolé, en tout cas, si j'ai énervé certains. Mais continuez, allez-y, continuez sur votre sujet. Ok. Vas-y, Anto. Ouais, alors, moi, c'était plus pour faire évoluer le sujet. Alors, c'est ce que je disais, ce que j'ai dit un peu dans mon intervention déjà tout à l'heure, c'est est-ce que vous pensez pas qu'il y a une dérive aussi, le fait de se faire un peu... Alors, moi, je pense que c'est bien, il y a du bien et du pas bien. C'est-à-dire que est-ce que le fait de se faire justice soi-même, ça incite pas aussi les autres à devoir faire ce justice soi-même? C'est intéressant ce que tu dis, parce que... Moi, je mets ça en plus en relation avec ce qui s'était passé à Gonesse, justement, dans le pavillon où les jeunes étaient intervenus. Et là aussi, il y a un effet de justice soi-même. Mais on voit bien que la répression va être bien plus forte pour les actions de Génération Identitaire que pour les jeunes qui ont mis les autres dehors, quoi. Qui est un peu le même registre de faire justice soi-même, effectivement. Surtout pour le coup, pour celui qui... qui a entrepris le chef là, qui va peut-être se retrouver à la porte. Et donc là, ça devient gênant et ça devient même dangereux. C'est-à-dire que le gars, il fait une manifestation pacifique et au final, il se retrouve sans emploi. Alors, dernièrement, juste une chose. Vas-y, Harmonica. Excuse-moi, Tebor, mais franchement, c'est pas un signe du temps, ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'État, n'était pas parlé très bien de la nation, en fait, n'existe plus. C'est l'idéologie qui est derrière. Et en fait, c'est un cri du cœur qu'ils sont en train de faire là. Ils ont rien fait de mal. C'est juste, en fait, ils utilisent les médias pour exprimer, justement, leurs pleurs. Et ils savent très bien que ça va amener à rien. D'ailleurs, apparemment, il y a eu 300 migrants qui sont passés. C'est que, en fait, c'est même une bonne chose. C'est que, en fait, il y a le plus gros signe qui a été envoyé pour moi là-dedans, c'est que l'État tel qu'on le connaît, la République, la France qu'on veut, fonctionne plus, tout simplement. T'es pas dit on n'est plus en démocratie, c'est vraiment ça, on l'a jamais été d'ailleurs. C'est tout simplement que les gens inconsciemment commencent à se dire, mais en fait, on n'a pas besoin d'eux, faut qu'on fasse les choses par nous-mêmes, tout simplement. Je suis complètement d'accord. Oui, suite, vous savez, au squat de Garges-lès-Gonesse, il y a eu la même chose qui s'est passée dans un village français où les habitants du village ont été délogés. Des squatteurs, punk à chien, anarchistes, ils les ont délogés et tout. Et apparemment, la police a laissé faire parce que tout le village s'y est mis. Donc, c'est encore là, c'est la faillite de l'État ou de nos lois, qui sont mal faites ou pas respectées. C'est très dommageable. D'accord avec toi, Cara, c'est avec Harmonie. C'est vrai que la réponse n'est pas la réponse de l'État, et c'est tout le contraire par rapport aux attentes du peuple. Et si vous avez remarqué aussi au niveau médiatique, alors là c'était le carnage, hein. Vous avez bien vu que 90%, si c'est pas 99%, sont contre ces actions-là. Et il y a même là un journal que je vois que Huffington Post carrément cite qu'une petite fille d'immigrée à dire à Génération Identitaire, qui dit papy, je te l'annonce, je vais rentrer en résistance. Voilà, donc ça va être un peu compliqué quoi à ce niveau-là, qu'au niveau médiatique. Hein. C'est dommage. Excuse-moi, Cam, tu veux dire que les gens sont contre les actions de Génération Identitaire ou contre les actions des gauchistes? Parce carrément, contre-identitaire. Parce que le fait qu'il y ait quand même 75% des Français qui veulent qu'il y ait un référendum sur l'immigration. C'est peut-être un peu le contraire, quoi, je sais pas. Oui, c'est ce que je dis, c'est-à-dire... Ça, on n'a pas encore l'État. Alors, Dar, vas-y, tu voulais intervenir, vas-y, Dar. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, ainsi que Lila, je suis d'accord. Pour moi, on en revient à ce dont on parle souvent, c'est l'action concrète. Et pour moi, l'action concrète va se démocratiser peu à peu dans nos rangs. Tout comme les zadistes le font, par exemple. Après, je dirais, sans parler de mimétisme, évidemment... une grande partie des patriotes sont dans la peur, c'est ce qui était dit, la peur d'agir, la peur d'être reconnu, d'exprimer ses idées en public, de perdre son travail, la peur de la violence verbale, la violence physique, etc. Pour moi, c'est dû à la pression sociale et médiatique. Et sur ce plan, j'ai l'impression que les choses avancent avec courage, avec les tripes. Tu parlais du cœur, d'ailleurs, Harmonique. Et le panache à la française, je dirais, se concrétise vraiment actuellement par rapport à ça. Et j'ai l'impression que ces jeunes-là ont besoin vraiment de comme si le travail devait être prémâché pour ces gens qui manquent de motivation, pour réanimer cette flamme. Ils ont besoin de leaders, ils ont besoin de construction déjà préétablie, de sites comme monter une équipe qui est en train de se faire, etc., etc. Les plateformes, le travail que tu fournis, t'es pas. Cela mâche en fait le travail pour ceux qui manquent de motivation. Et j'ai l'impression que ces personnes-là n'ont plus qu'à embarquer dans le navire. Ceci dit, c'est une critique qui reste positive. Ce sont des outils naissants qui nous permettront d'avancer de façon concrète. Voilà. Pour argumenter là-dessus, le fait que l'État ne nous aidera jamais, il faut se rappeler juste tout simplement ce qui s'est passé avec Saint-Martin, quoi. Ah bah là-bas, les gens, ils allaient laissé crever. Saint-Martin est un prémisse de ce qui pourrait se reproduire sur le territoire français si on devait faire face à une crise d'une même ampleur économique, chaos technique, même une panne tout simplement, hein, que ça pourrait être un problème technique, pas forcément malveillant, mais en tout cas les conséquences, on tomberait très vite dans une situation à la Saint-Martin. C'est un signal d'alarme pour moi, cette situation. D'ailleurs, il faut s'en servir comme argument. Pardon. Faut s'en servir comme argument dans le sens où voilà, c'est à nous d'agir maintenant, quoi. Tu vois bien que quand on est dans la merde, l'État ne bougera pas pour nous. On a la preuve maintenant. Et d'ailleurs, on est dans une transition, si vous remarquez bien. L'État, à une époque, faisait son travail, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, en fait, tout simplement, et Macron, pour moi, représente vraiment cette idéologie, c'est qu'en fait, il se base sur les anciens. Comment dire, les anciennes constructions qui étaient faites pour se faire briller aux yeux de la société. Mais ils savent pertinemment qu'elle est en train de s'écrouler. C'est pour ça que Macron, il parle de France tout le temps, mais qu'en fait, il n'en a plus rien à foutre, parce qu'il sait pertinemment qu'en fait, il est sur une société qui a été forte, la Grande France, qui est en train de s'écrouler. Il veut finir là-dessus. C'est pour ça que moi, ce que j'ai remarqué à mon petit niveau, c'est qu'il faut même plus compter sur l'État, ni même sur ce qu'on appelle la nation France. On l'a dans nos cœurs, mais en fait, c'est en train de s'écrouler. C'est-à-dire, il faut faire des petits réseaux entre nous, sinon ça ne marchera jamais. Vas-y, Anto. Alors, moi, j'ai un peu de mal là, avec les discours vachement pessimistes. Je trouve que tout n'est pas acheté, tout n'est pas noir non plus. Et après, je pense, est-ce que, par contre, quelqu'un aurait la réponse, est-ce que la police savait et a laissé faire, ou la police est venue trop tard, ou... Tu parles dans le cas de Saint-Martin ? Non, là, pour le coup, je reviens sur Génération Identitaire, pardon. Ah, d'accord. Quelqu'un sait ? Moi, je pense que la police est informée. Moi, il me semble que cette opération est complètement légale. Ils ne sont pas dans l'illégalité. Ils ont le droit de, quand quelqu'un ne respecte pas la loi, un citoyen a le droit d'intervenir et de présenter la personne à la police. Dans les textes de loi, ils ont pas, ils sont pas hors la loi ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que du coup, moi, il me semble, hein, et c'est pour ça que il est au QG là dans les médias, mais faire contre eux, quoi. Alors là, je vais te répondre. Ils ont le droit de manifester, mais ils n'ont pas le droit d'empêcher les gens de rentrer. C'est à la police de le faire, il faut être accrédité. Donc ça, c'est interdit. Alors après, il faut savoir, moi, la dernière fois, on était dans une manif, et on a été un peu soutenu par la SARS. On a été à Saint-Dié-des-Vosges pour voir justement Macron, et on a été bloqué à kilomètre avant par les CRS, et en fait on a été avec les gilets, ils ont dit on n'a pas le droit de vous laisser passer avec les gilets, moi j'étais tout devant, et donc mon responsable dit mais si on arrive les gilets qu'on fait le tour, le CRS a dit nous on vous aura pas vu, donc après est-ce que c'est un peu la même chose ou est-ce qu'ils sont arrivés trop tard? Ouais, tout à fait. Le collectif Génération Identitaire, ils sont pas mandatés pour se poster aux frontières et pour contrôler les papiers des migrants, c'est sûr. Moi, je voulais revenir sur le fait que le gars, j'oublie son nom, ait perdu son travail à cause de son action. Moi, je pense que quand on fait une action comme ça, on sait forcément qu'on va être vu dans les médias et qu'on va occuper du coup une place importante sur les grandes chaînes en France. Donc, je pense qu'en fait, le gars savait déjà qu'il allait s'exposer au niveau de son travail et qu'il risquait d'avoir des problèmes. Donc, je pense que il faut pas qu'on se dise... il a perdu son travail, il faut faire attention, etc. Au contraire, moi, je pense qu'il savait qu'il aurait pu avoir des problèmes avec son travail. C'est avéré, ça, qu'il a perdu son travail ? Parce que... Je ne sais pas. Ouais. Non, parce que c'est en cours, mais ce n'est pas effectif encore. Je ne crois pas. Il y a eu la Ligue noire, la Ligue africaine, enfin, la diaspora africaine. Alors, moi, j'ai vu... Alors, tiens, comme ça, on rebondit sur les réactions. J'ai vu cette vidéo aussi, oui, de la Ligue de défense africaine. Donc, j'étais assez étonné aussi. C'est-à-dire que, donc, maintenant, en fait, si tu veux, on est carrément passé dans la guerre ouverte, en fait, la guerre raciale ouverte, faut le dire clairement, puisque ces gens qui s'expriment le font sous le prisme racial. Il n'y a pas d'autres prismes. Hein. C'est plus, on n'est même pas sur un positionnement politique. On n'est pas dans l'idéologie politique. On est vraiment dans le racialisme pur. Et pour le coup, je ne sais pas quel impact ça aura. Par contre, je veux minimiser quand même le truc. J'ai vu la vidéo. Je ne sais pas si les gens vont se précipiter pour se rejoindre. Mais néanmoins, ça reste inquiétant de la situation de l'état réel du pays qui démontre qu'en fait, à la moindre étincelle, tout peut s'enflammer, tout peut aller très vite. Parce que tous les ingrédients sont déjà là, en fait, pour que tout explose. Et c'est un constat, par contre, réel à chacune de ces actions. Mais tout est fait pour que ça explose, vraiment. Et que ce soit basé, évidemment, sur le prisme racial. Hein, on ne va pas se mentir. Hein. Diviser pour mieux régner, c'est toujours la même chose. Tout simplement, c'est ce que je disais, Macron, enfin même, il voit tout simplement que la France, telle qu'on l'a connue, même moi, à 30 et quelques années, s'écroule littéralement. Et que pour faire les projets des mondialistes qui sont en haut, eh ben, faut se baser sur ce que les gens justement ressentent encore dans le cœur pour appliquer l'idéologie dominante des élites mondialistes, tout simplement. Parler à des Français, tant qu'ils sont pas dans la merde, ils sont persuadés qu'il y a encore une nation française, mais une nation vraiment dans le sens fort. Mais dès qu'ils sont dans la merde, ils se rendent compte que justement, c'est fini. Bah, c'est fini. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est fini peut-être au niveau institutionnel, parce que c'est ça, on voit, oui, ils ont lâché l'affaire, les institutions, oui, l'État. Mais le peuple, je suis pas d'accord. Regarde, vous êtes là ce soir, il y a plein de gens qui nous regardent, il y a plein de gens, on sait partout. C'est l'inverse. Il y a une espèce de rapprochement du peuple, peut-être d'une façon qu'il n'y avait jamais eu avant, même qu'on n'a jamais connu encore. C'est un système immunitaire. Mais franchement, dans les grandes lignes, je suis désolé. Dans la ligne dans laquelle tu es, on te suit, même si on n'est pas toujours d'accord, il y en a vraiment beaucoup. Franchement, je parlais des Français. Quelles que soient leurs origines et tout, la plupart, ils sont lobotomisés, littéralement. Même des nations. Ils sont lobotomisés par le pouvoir médiatique. Voilà, le troisième pouvoir, je crois. Voilà. C'est là le problème. 50 ans de lavage de cerveau, ouais. Messieurs, rappelons quand même, en étant quand même un peu plus positif, que ça n'a jamais été la majorité qui ont fait les renversements dans l'histoire. Ça a toujours été une petite minorité, effectivement, pas forcément la bonne. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut être une partie de cette minorité qui s'ensuit forcément, je dis pas une forme de révolution, mais en tout cas, qui peut réussir à faire des choses concrètes et accéder, en tout cas, non pas à l'idéal, mais au moins à des bases et à des choses dont on parle actuellement par rapport à tout ça, dans l'esprit positif. Mais pas de révolution au niveau massif. C'est-à-dire que c'est vraiment des micro-réseaux, au moins qui ont des bases communes, qui peuvent changer les choses de l'air du temps, tout simplement. Parce que quand j'en entends qui disent « on va faire la révolution, on va tout casser », je dis « mais vous côtoyez le réel à un moment donné, vous payez des impôts, vous bossez, enfin je sais pas, mais tu peux pas faire ça ». C'est pour ça que je parlais de micro-réseau dans le sens un truc tout con. Je parle même pas de troc, mais tu commences à faire entre communes et tout, voilà, tu t'entraides, tu te connais. Parce que ça aussi, c'est en train de se perdre, moi qui viens d'un milieu semi-campagnard. Tu fais une entraide justement comme ça, avec justement une idée patriotique avec de l'intelligence, c'est-à-dire que tu veux dire les droitards c'est tous des connards et tout, et puis là tu leur poses les questions et tout, mais pourquoi c'est des connards et tout, et tu leur fais comprendre pourquoi on est dans la merde actuelle, c'est parce qu'il y a cette histoire de mondialisme, cette histoire de mettre tout le monde à même niveau alors que la nature a horreur de ça, ça n'a jamais fonctionné comme ça, et cette histoire que tout simplement le confort qu'on a actuellement, c'est parce qu'il y avait la nation, mais la nation forte. C'est-à-dire que les gens qui ont des projets pour nous, en aucun cas ne nous ont jamais demandé notre avis, et le seul référendum auquel on a eu droit en 2005 a été invalidé par une décision inique du président Sarkozy. Donc il n'y a plus vraiment de démocratie. Mais c'est surtout qu'en fait ça n'a jamais marché, c'est qu'à un moment donné, faut dire ce qu'il y a. Le peuple français, d'ailleurs quelles que soient les origines, parce que pour moi, la culture vraiment influence les origines ethniques et raciales. On a besoin d'un chef, mais on a besoin d'un chef dans le sens d'un roi qui s'est transformé en président, mais littéralement. Le nombre de personnes que j'entends, et des plus jeunes que moi, qui ont même pas la vingtaine, qui disent « il nous faut un nouveau président », ouais, ok, je veux bien, mais on va continuer comme ça combien de temps ? 10, 20, 30, 100 ans ? Je suis désolé, regardez ce qui s'est passé depuis la Seconde Guerre mondiale et même avant. Grosso modo, on ouvre un peu notre gueule. Oui, bon, on vous laisse un peu, et puis sinon, c'est la même chose. Ouais. Vas-y, Anto. Vas-y. Non, là où moi, je suis pas d'accord avec ce que vous dites, et là, plus d'accord avec la ligne TEPA, c'est que je pense justement qu'il y a plus de réseaux, plus de patriotes, mais tous divisés, qui font qu'on a du mal à se réunir, parce que justement avec l'intelligence du CERF qui est peut-être intéressante, parce que moi je vois un truc qui était impensable à les années 90, c'est des, je veux dire, c'est des gars d'origine maghrébine qui se sentent français, des métis, des noirs qui vont voter des partis patriotiques, qui vont voter FN, qui vont voter Dupont-Aignan, parce que justement eux ils estiment que ils sont français, qu'ils ont, ça changerait pour eux. Mais c'est la France. Et d'ailleurs, si vous remarquez, il y a de plus en plus, pas de métis en termes ethniques ou raciaux, mais qui ont des noms, par exemple, de familles françaises, des prénoms autres. C'est le projet Kounev-Kalarji. Mais ce que je me rends compte, c'est que, en fait, TEPA l'a très bien dit, d'ailleurs, il est métis, il sait beaucoup de choses là-dessus, et il s'en est rendu compte, c'est que faut oublier le côté purement racial, sauf au niveau communautaire, je suis désolé, faut le dire, parce qu'au niveau communautaire, regardez ce qui se passe. Pour moi, si on veut une nation France, bah, il va falloir accepter au moins une minorité de personnes d'origine étrangère qui préfèrent la France à des Français de chousses gauchistes qui nous crachent à la gueule. C'est ça la vérité. Moi, je pense que plus que de trouver un chef, il faut vraiment qu'on établisse un tronc commun de valeurs et de décisions pour un futur mouvement politique qui représenterait nos idées. Par exemple, ouais, mais le problème de ça, Caras, ça c'est que tu sais très bien que il faut vraiment un tronc. Quand tu dis un tronc commun, il faut que ce soit un baobab le truc, hein, parce qu'il faut que ce soit le plus non possible. non parce que plus c'est large et plus il va y avoir des divisions. Ah non, par exemple, ah non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est contraire. C'est plus c'est précis que il y aura des divisions. Si c'est par exemple un truc pour la France. Voilà, c'est pour la France. Donc moi j'ai ma vision de la France, c'est de la France, donc c'est très large. Tu vois, c'est énorme. Si je dis c'est pour, je sais pas, la souveraineté, voilà, ça reste, tu vois, un absolu hyper large. Par contre, quand tu commences à dire, ouais, moi je suis pour les chrétiens et pour les catholiques, déjà là on rentre dans la précision, tu vois, et la division, et le machin, etc., etc. Et plus tu vas être précis, plus tu vas diviser. Mais c'est très drôle parce que les médias en général, quand ils parlent de nous, quand ils parlent de Soral, ils parlent de génération identitaire, ils disent tous les fachos. Quand on entend la gauche parler des gens qui font ce genre d'action, on entend toujours les fachos. Donc même eux, ils se mettent dans le même camp. Alors que c'est vrai que Soral, dernièrement, il a défendu Edith Lenel sur son site. Et ben oui, il fait partie maintenant de l'autre camp. Comment ça s'appelle comment ils avaient désigné Edith Lenel, d'ailleurs, les médias? Le trotskiste, non, c'est pas ça. Ouais, mais trop rouge. Plus que... Enfin, ouais. Les islamo-gauchistes. Islamo-gauchistes. Mais d'un côté, ça dérange pas que le groupe Génération Identitaire fasse son truc, passe à la télé et qu'on les traite de fachos. Nous, on peut faire notre truc ou un groupe un peu dans la même ambiance, passer à la télé, on dira qu'on est des fachos. Donc, qu'on soit plein de petits groupes dans toute la France, même si on est divisé, pour l'instant, pour moi, je pense pas que ce soit le problème numéro un. Parce que moi, quand je dis un tronc commun sur lequel tout le monde est d'accord, c'est 10, 15 comment dirais-je, propositions sur lesquelles on dit voilà, on veut ça, et en fait tu vas te rendre compte que Front National seront d'accord, Identitaires seront d'accord, nous on sera d'accord, tout le monde sera d'accord. Et sur la religion, je pense que pour l'instant, sur la question de la religion, on peut la mettre en suspens, parce que les religions c'est trop vaste, entre les différentes chapelles chrétiennes ou juives, ou musulmanes, ou bouddhistes, ou ceci, cela, ou même païennes, qui ne sont pas d'accord entre eux, la religion, non, on met ça de côté direct. On dit, c'est quoi être français ? Un papa, une maman ou une maman française. La double peine pour les délinquants. interdiction ça, à la nationalité. C'était déjà dans la division. Toutes là. Ces choses-là. Je te dis, Caras, ça, c'est du programme politique, ça. Si tu veux réunir les gens, ce ne sera pas sur des trucs comme ça, je te le dis. Parce que rien que tu parles déjà double peine, machin, tous les mecs qui ont voté Mélenchon, machin, ça, tu les as oubliés, tu les as perdus. Je ne parle pas des Mélenchon. Mélenchon, ils seront peut-être d'accord sur un truc social qu'on va mettre en place. Mais moi, personnellement, je ne peux pas me dire, je vais faire un truc par rapport aux mélenchonistes. Ils ne seront jamais d'accord avec nous. Le but, c'est de sauver la France. Et pour sauver la France, franchement, il n'y aura pas que des équipes de droitards. Il y aura besoin aussi de ce camp-là d'en face. Tu vois, il y aura besoin de gens là-bas. Donc, c'est clair, si tu commences à être très précis. Tu sais, eux, ce qu'ils disent, il faut les prendre au jeu. Moi, je dis... Allons dans le jeu, puisque le jeu des gens de gauche est le jeu de la démocratie. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à prendre le pari qu'on puisse mettre sur passe public. Eh ben, justement, respectons le jeu de la démocratie. Nous, on leur dit, il faut dire à ces gens-là, eh ben, nous, on est d'accord. On veut ce jeu de la démocratie avec vous. C'est-à-dire qu'on est pour les règles démocratiques. Et ce sera la voie démocratique, référendaire ou le vote qui tranchera. Et là, on peut être d'accord avec quelqu'un de gauche. Parce que s'ils se prétendent, justement, ils se républicains démocratiques, ils ne peuvent pas accepter ce truc-là. Et nous, on est sûr que, par contre, si on a accès à un débat public, on va dire équitable, c'est-à-dire, tu vois, un vrai débat public, on pense que nos idées gagneront. Et moi, j'en suis ça convaincu, même, si tu veux. Carrément, même. Donc, bien moi, sûr. C'est ça que je... C'est comme ça que je vois les choses avec les gens de gauche. Quoi. Je veux pas les jeter d'un coup, machin, etc. Non, au contraire. Faut leur faire comprendre qu'on a un intérêt commun. On a un vrai intérêt commun. Eux aussi, ils veulent plus de démocratie. Ils veulent agir sur ce système pour faire évoluer, tu vois, les règles politiques. Parce qu'ils y voient leur intérêt. Ils pensent que, justement, ils auront la majorité. Mais nous aussi, c'est notre intérêt. Donc là, on œuvre dans le même sens. Donc, finalement, on n'est pas en opposition sur ce point-là. Donc après, c'est une fois qu'on est au sommet de la machine, peut-être on ne peut pas faire la même chose. Mais même sur ça, il y a encore plein de choses à les faire avancer. Parce que tu sais, les gens de gauche, même sur l'immigration, on va débunker encore aussi ce soir un lièvre là-dessus. Parce que les gens, quand t'es en privé, ils n'ont pas les mêmes discours qu'en public. En public, tout le monde te dit « Ouais, l'immigration, c'est la doxa, comment, machin, tu vois, c'est un tout sujet, tout le monde chimouque, ça commence à sauter sur sa chaise, tu vois, si tu parles de ça, on va dire, en société. » Et pourtant, quand t'es dans des sphères privées, avec les gens, justement, qui est dans des milieux, plus, des ambiances plus intimistes, ils se lâchent et ils te disent la réalité. Et n'importe quel, je te dis, gauchiste de base avec qui tu parles, au bout de 20 minutes, il est complètement d'accord avec toi sur le problème. Il ne peut pas nier l'évidence et il ne peut pas, comment dire, si tu veux, dénier cette réalité. Ce qui signifie bien que ces idées, pourquoi elles ne progressent pas, qu'elles n'avancent pas, parce qu'évidemment, elles sont bloquées par la chape de plomb au monde médiatique, pour pas que la conscience commune, tu vois, le maximum de gens, ils aient accès à cette parole, parce qu'ils savent très bien que s'ils avaient accès à cette parole, ça modifierait complètement le logiciel général. Tout c'est évident, parce que les gens n'auraient pas, justement, la peur ou, si tu veux, l'espèce d'autocensure qui se met à vouloir parler de cette question, alors quand bien même, c'est ce qu'ils pensent au fond d'eux profondément. Moi, j'ai déjà fait l'expérience même en société, où quand tu vas sur ces sujets-là, tu es très étonné des réactions des gens et à quel point, justement, ils se lâchent. Et que quand tu vas dans le fond de leur pensée, tu vois que c'est complètement en accord même avec des choses qui ont été dites ici, quoi. Et pourtant, bien sûr, les gens qui vont voter Mélenchon, par exemple. Moi, j'appuie là ce que dit Topa, parce que moi, pour être dans les milieux CGT, tout ça, et d'en voir beaucoup, c'est vrai ce qu'il dit. Moi, quand je parle au privé, j'ai vu ça, après, je laisse la parole aux autres, mais... Dans le privé, les gens ne disent pas du tout la même chose et ils sont plus d'accord avec nous. Et je pense que, justement, en allant dans des débats et en ouvrant, on a une forme de, comment dire, de schizophrénie en France où, en fait, ils sont d'accord, mais devant les gens, ils n'osent pas le dire. Et je pense que, à force de parler, de les ramener dans un accord et de faire un effort, et ben, les gens viendront vers nous. Il y a une grande différence entre ce que tu peux dire, par exemple, dans une réunion de la CGT où il y a des cadres qui sont là, et avec ce que tu peux dire entre camarades de la CGT au bistrot quand tu as fini la réunion. Et moi, j'avais des potes comme toi, CGT, ils votaient Front National, mais jamais ils auraient dit à la CGT qu'ils votaient Front National. Parce que tout de suite, ils se seraient fait virer, ostracisés par ce qu'on appelle, j'appelle ça moi, les chuchoteurs. C'est ça le problème. Alors attends, on va faire tourner la parole parce que je crois qu'il y a Comrade Martin qui voulait intervenir, Cam et Dar aussi. Allez. Comrade, tu veux intervenir, non? Non. Alors, vas-y, c'était Martin. Dar, vas-y, allez, Dar. Ouais. Ah, Martin, vas-y, Dardos. Ah bon, bah, Martin, vas-y, vas-y. Je l'ai vu après Dar. Non, mais vas-y, Martin, t'as pas beaucoup parlé. Bon, Martin, t'as pas beaucoup entendu, allez. Allez, alors j'appuie aussi ton propos. Je l'ai vécu dans le réel, quand tu te retrouves dans une soirée avec des potes très proches. Hein. Il y a tout de suite, quand tu abordes ces sujets-là, le moutonnage qui te le prend dans la gueule, quoi. Et tu essaies deux, trois fois, après tu te dis, bon, bah, c'est pas la peine, je vais perdre mes potes. Mais quand tu te retrouves, pas en fin de soirée, mais qu'il y a des mecs qui a pas mal aimé ton discours et qui vient te voir dans la soirée, tu sais, un petit peu en aparté, que tu commences à discuter. Tu te rends compte que bon bah c'est une personne, deux personnes, trois personnes, puis finalement c'est un peu tout le monde, tu vois. Mais il y a ce moutonnage où dès que tu balances ce sujet-là, il y en a un qui va dire ah facho, et tout le monde va suivre derrière, tu vois. Alors que finalement individuellement c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais bon, c'est moutonnage. Vas-y Dar. Effectivement, on en revient à la pression sociale encore une fois par rapport à ça. Je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Bah, c'est du vécu pour beaucoup. Je pense qu'il faut être plus intelligent que ça. Être manichéen ou trop précis, forcément, ça mènera à la division, comme tu disais. T'es pas. Je rejoins les propos sur le plan du, comment dirais-je, du pluralisme et de l'éclectisme. Il faut être malin, avoir une réflexion profonde, structurelle, stratégique. Plutôt donc, je dirais, les prendre par la tiédeur, la tempérance, plutôt que la radicalité. Nous arrivons, pour moi, on arrive à un moment de l'histoire qui est manifeste. On peut en profiter, en tout cas, je dirais, pour les patriotes actuellement. C'est un mouvement de fond, mais voilà, ne tombons pas non plus, ne rêvons pas trop de là à rêver à la providence, l'union de tous les patriotes. Non, je ne crois pas. Et ce que je disais tout à l'heure, on en revient à une minorité selon moi, suffira dans cette guerre, si je peux amener un peu d'humour, dans cette guerre, pour moi, et les batailles à venir, la recette n'est pas compliquée. Voilà, c'est tu mélanges la connaissance solide, un réseau efficace, un peu de force économique, un peu d'opportunisme, saupoudrer, je sais pas, tout ça avec quelques meneurs, faites mijoter, et voilà, la clé de la recette, c'est quoi? La patience et l'intelligence. Et donc, une vision à plus long terme de ce combat, si je puis dire. Tout est écrit dans mon livre. C'est hyper intéressant ce que faut le savoir. Parce que ça rejoint en plus un certain nombre de discussions qu'on a déjà eues ensemble sur le sujet, et par exemple du racialisme blanc, qui était quelque chose qu'on a abordé. Et moi, c'est un sujet voilà, que j'ai déjà évoqué. Et en disant justement, même sur ce point-là, qui est évidemment un point de l'équation qu'on ne peut pas ignorer, on sait très bien comment va réagir le système et qu'il faut être beaucoup plus stratégique et d'une stratégie justement, je dirais, militaire pour pouvoir esquiver l'obstacle. Parce que ce sera évidemment le point d'accroche sur lequel tous les autres s'uniront contre, en tout cas. C'est évident, quoi. Ce sera la bête noire. C'est un paradoxe, mais ce sera ça, quoi. Et donc, pour le coup, pour être beaucoup plus malin, c'est pour ça que moi, je défends cette position que j'appelle la sélection naturelle. Voilà, la sélection naturelle. De façon à ce que, en gros, de toute façon, ethniquement, l'équation soit conservée en faveur des Blancs, mais sans que ce soit affiché dans les buts et dans les projets, parce que, évidemment, ce sera le repoussoir, ce sera le point d'accroche sur lequel une stratégie politique va, de toute façon, être une impasse. Même quand je l'avais abordé cette question avec Daniel Conversano dans l'émission, il reconnaît parfaitement que, de toute façon, ça ne peut pas... c'est une impasse politique, mais comme il dit, lui, il se situe sur le champ du métapolitique. Mais c'est évident que sur le plan politique, cette fois, pour prendre un vrai corps, ça pourra jamais être sur cette ligne-là, quoi. C'est évident, quoi. Ça, faut même pas rêver. Mais pourtant, c'est quelque chose qui peut revenir dans l'équation, mais par une autre porte dérobée. Avec, évidemment, un côté malin. Alors, c'est qui veut intervenir? Comrade, allez, vas-y. Ouais, vous m'entendez? Très bien. Allô, allô. Ok, super. Excuse-moi, je vous ai pas dit bonjour tout à l'heure, je vous ai juste toussé dans les oreilles, je suis tout à fait désolé. Je rebondis sur ce que tu dis, Tepa, à propos de des portes, à propos des portes dérobées. Est-ce que tu m'entends? Ah voilà, ça passe. Ouais, j'ai eu un petit souci, vas-y. Ok. À propos des portes dérobées, tu vois, moi je me posais une question vis-à-vis de la démographie et de l'arithmétique des taux de fertilité, etc. Et je finissais par me demander, mais est-ce que mathématiquement, on ne va pas forcément vers une disparition de l'âme de la culture française par la simple disparition génétique des populations qui en sont originaires à la base? Et j'entends beaucoup de nationalistes blancs qui parlent du fait de faire 5-6 enfants, d'en faire le plus possible pour contrecarrer le phénomène. Et je pense que culturellement, on est plus dans un contexte où on peut vraiment amener beaucoup de Français de souche blanc à faire 6 enfants pour faire pièce aux populations françaises qui sont importées et qui en font traditionnellement plus, même si paraît-il qu'il y a un biais qui fait que ces populations en font quand même moins que dans leur pays d'origine. Mais je ne pense pas que ce soit possible d'amener les populations entre guillemets blanches à en faire autant. Et comme tu parlais de portes dérobées, c'est une réflexion que je me faisais vis-à-vis de l'écologie, etc. Est-ce que l'argument écologique ne pourrait pas être un jour, une porte dérobée pour dire « Ok, maintenant, on impose la politique du 2 ou 3 enfants parce qu'on ne peut pas se permettre un jour en France d'être 200 millions. » Et est-ce que ça ne permettrait pas de placer un moment ou un autre une limite en disant « Ok, le rapport est de 30 à 70 ». À partir du moment où les gens ont une limitation en termes d'enfants, ce rapport restera celui-là. C'est peut-être idiot, hein, j'y réfléchis confusément, mais l'argument écologique pourrait peut-être jouer là-dessus. Ça s'appelle... C'est intéressant. Franchement, ouais. C'est intéressant. Ta piste est intéressante. Vas-y, Cam. Bah non, j'allais dire, c'est connu ce qu'ils disent, c'est la théorie malthusienne. Hein. Donc, c'est oui. Actuellement, c'est très mal vu dans nos démocraties libérales, au niveau des droits de l'homme. C'est, je ne sais pas si ça peut être applicable. Alors, peut-être, c'est vrai dans le futur, mais bon, une fois que ça sera peut-être. C'est-à-dire que les gens ont à peine pris conscience du phénomène démographique. Tu sais, on en est au début de la prise de conscience. Là, on n'en est qu'à l'observation. On nous empêche, il n'y a pas de statistiques réelles, tu vois, sérieuses en tout cas sur le sujet. Il n'y a que des bribes d'informations et qui sont déjà inquiétantes. Donc apparemment, tu vois, il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience quoi, de ce basculement démographique qui est pas rien, parce que c'est quand même un changement civilisationnel, une période charnière de l'histoire qui se passe sous nos yeux où on est en train littéralement de changer un pays. C'est quand même pas rien, quoi. Enfin, moi, c'est ça le principe qui m'étonne. Et en plus, c'est vous dire comment les changements vont vite. 20 ans, 30 ans suffisent à modifier complètement un pays en faisant venir une autre population. Donc, c'est proprement inquiétant. En plus, on sait très bien que la dynamique démographique, elle est pas du côté des Français de souche. Donc, comme tu disais, comrade, effectivement, la dynamique n'étant pas de ce côté-là, moi, je ne vois qu'une solution, en tout cas qui est radicale, qui est la remigration, mais sinon, ça va finir en partition, mais la partition de fait, parce que les gens se séparent territorialement, quoi. Ça va être un espèce de pays apartheid, où les gens vont se rencontrer au sein des entreprises, mais une société à l'anglo-saxonne où chacun rentrera dans son quartier le soir, dans sa communauté, avec les gens de son ethnie. C'est dramatique, quoi. Enfin, c'est la France, c'est vrai. Juste, pas. Tu parlais, même avant, Comrade. Tu vois, du côté de mes grands-parents, ils étaient toujours 7 enfants, 9 enfants, de culture catholique, ils n'étaient pas tout le temps pratiquants. Et je reviens vraiment au point fondamental que dont j'ai la certitude, est-ce que ça vient pas du confort de vie, justement? C'est-à-dire que, tu vois par exemple des Afro-Américains qui sont riches, eh ben, ils font pas 10 gosses, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas que ethnique, c'est pas que racial, c'est que quand tu as peut-être pas les moyens de contraception ou en fait tu envisages l'avenir par rapport à ta progéniture, bah tu fais des enfants, même si c'est dur dans la vie. Mais le confort de vie fait que. Et que justement, effectivement, il y a une conséquence ethnique actuellement, mais qu'en fait, je pense que malgré l'invasion migratoire actuelle qui vient effectivement beaucoup du continent africain, eh ben en fait, à la fin, ils font comme tout le monde, ils feront un ou deux gosses, tout simplement. Mais comment tu vas appliquer ça? Le problème, Ça, je c'est suis que tu pas vas si dire. sûr, par contre, Harmonique. Et là, je parle, on va dire, de façon empirique, parce que tu dis effectivement les Noirs américains, c'est vrai qu'ils ont un très bon niveau de vie, pour certains, font un peu moins d'enfants. C'est vrai, tu peux mettre en corrélation. Mais dans l'absolu, les populations, les Nord-Américains dont on parle, ça fait 200 ans qu'ils sont aux États-Unis, si tu veux, qui sont quand même assimilés, quoi. C'est des Américains, quoi, quand même. Alors que là, on parle de populations qui viennent directement de pays d'Afrique et qui sont encore sur ce logiciel africain, et pas du tout. Et que ça mettra. Alors, il est vrai, peut-être, on remarque ce phénomène avec les deuxièmes générations de maghrébines qui ont moins d'enfants que leur mère, ça c'est clair. Parce que les jeunes filles qui vivent ici disent non, mais moi je veux pas avoir 13 gosses comme ma mère ou quoi. Enfin, c'est clair, quoi. Il y a une évolution. Ça, c'est évident. Donc, certainement, ça jouera ce que tu dis. Hein, ça jouera. Mais est-ce que ce sera un phénomène qui va endiguer pour autant l'immigration? Je ne le pense pas. Parce que, une fois qu'en plus le basculement démographique sera effectif à l'horizon 20 ans, 30 ans, les populations majoritaires étant non blanches, elles n'auront aucun souci à refaire venir encore plus de non blancs. Tu vois, quelque part, il y aura une solidarité, un réflexe tribal qui se fera de fait. Et donc la situation sera toujours pire, en fait. Il y aura, ça ne pourra jamais s'améliorer, quoi, tu vois, sur ce mode-là. S'il n'y a pas une prise de conscience. Il faut Justement, qu'il y ait t'es pas une prise de conscience par une rupture, un fake politique qui fasse la rupture. Alors évidemment, certains vont. Voilà, c'est pour ça que je dis les trois options. Une communautarisation, tout le monde se tait, et puis on finit à vivre comme en Angleterre avec des territoires, machin. Une guerre civile, ça c'est la pire des options, évidemment, où tout s'enflamme, etc. Mais l'option est quand même sur la table, de façon inquiétante. Et puis, la troisième option, carrément, ça, après cette guerre, évidemment, c'est séparation, partition ou destruction carrément du territoire. Enfin, un truc horrible, là, tu vois. Je rappelle. Attends, excuse-moi, juste pour répondre à tes pas. Ce que tu dis, c'est très intéressant, mais il y a vraiment l'aspect technologique à prendre en compte. C'est-à-dire que je vois, même j'ai des collègues au boulot, pourtant c'est dans l'industrie, et industrie assez haute précision. Il y a des Antillais, il y a des Noirs d'origine, rarement qui viennent du bled, on va dire, d'il y a 10 ans. Et ce que je me rends compte, c'est ce que tu dis, en fait, ça va s'effondrer sur soi-même. C'est-à-dire que même s'il y a une immigration massive, ce que je ne souhaite pas, c'est la nature qui va revenir vraiment réguler tout ça. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui viennent en masse, c'est pas uniquement parce qu'il y a des passeurs qui leur disent « Allez, vous payez tant et ça va être mieux là-bas ». C'est parce que le niveau de vie, justement, il est plus confortable. Et je les comprends, moi je fais la même chose. Mais seulement, un pays de vie où un pays où le niveau est confortable au niveau de la vie, mais il faut le savoir-faire. C'est pas que l'économie, c'est qu'il faut comprendre des choses, il faut savoir ce que c'est un réseau, une infrastructure, il faut savoir ce que c'est un système social. Or, eux ne le savent pas. Et ils vont très vite comprendre en l'espace d'une demi-génération que ce n'est pas le cas. C'est pour ça que s'il y a des immigrés qui vont rester et même qui viennent depuis 2 ans, bah en fait, ça sera l'élite d'entre eux qui ont compris ça. Mais ils vont pas faire 110 gosses pendant longtemps, je te l'assure, t'es pas. C'est qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, putain, il y a des passeurs, ils nous ont vendu le rêve, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Ils vont se dire, mais en fait, les blancs. Ah oui, il y a des riches blancs, mais il y a des blancs pauvres, tout simplement. Si je peux agir vite fait. Alors, vas-y, Martin. Déjà moi je pense que ça part d'un projet vraiment beaucoup plus ancien, quoi, qui a déjà 200, 300 ans, tout ça. Mais si déjà on part du temporel d'aujourd'hui, quoi, ce qui se passe aujourd'hui, le temps de cette prise de conscience que tu parles, moi je pense que ça n'arrivera jamais, mais le temps que ça se fasse, ça sera déjà baisé, quoi. On est déjà à la limite. Pour moi, comme on, je sais plus qui disait, on n'a pas les vrais chiffres, mais si on nous alignait les chiffres, je pense que ça ferait bizarre, quoi. Ah justement, je voulais dire tout à l'heure, selon l'article là, de RT d'aujourd'hui, concernant Paris, bah, il y a 3000 migrants qui sont installés. Et apparemment, hein, c'est 500 migrants qui arrivent de plus chaque semaine à Paris. Donc, voilà. Ça, je confirme. Moi, je confirme. Je vous dis, si ceux qui habitent dans le 18e, vous passez par la porte de la chapelle, il y a des camps de migrants installés partout dans les rues, quoi. Partout, partout, partout. Ils sont absolument partout. Partout. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe humanitaire, une catastrophe civilisationnelle. On est dans une impasse. Je veux dire, il faut qu'il y ait une réaction à ce problème, quoi. Et réaction, pour le coup, aussi des Africains. Parce que ils ne peuvent pas hurler constamment, justement, à l'espèce de spoliation qu'aura lieu chez eux, sans eux s'unir et faire quelque chose plutôt là-bas contre cette spoliation et prendre les choses en main, que de tout le temps, c'est pas possible, quoi. C'est strictement, là, ça devient une situation infernale. Et l'action, en tout cas, des identitaires, elle reflète, tu vois, cette exaspération, mais c'est pour montrer à quel point, en France, la question est essentielle. Elle est hyper importante, quoi. Chasser le naturel à coup de fourche et revient au dialogue. Dans tous les cas, les gens qui promeuvent ça, ça va leur retourner dans la gueule, mais d'une manière qu'ils n'imaginent même pas. C'est-à-dire qu'en fait, les Français, dont je fais partie, on est des gentils. Vous savez, par rapport à la communauté Internet, on est interdite, on est des gentils. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on accepte l'immigration de quelques origines qu'elles soient, pour les protéger, pour les nourrir, pour leur donner une sécurité sociale. Mais quand il y a un afflux massif, on pète les plombs. Mais littéralement. Et tu sors ça de quelle source? C'est arrivé quand? Mais écoute, c'est ce que moi qui suis dans le milieu semi-campagnard, je vois dans des communes, il y a des migrants qui viennent, quelles que soient leurs origines, souvent africaines, mais même des fois d'Europe de l'Est. La plupart d'entre eux n'en ont rien à foutre. Ils viennent là tout simplement, et je les comprends, parce qu'ils ont encore fort de vie plus intéressant que dans leur pays d'origine, tout simplement. Mais c'est certainement pas eux qui ont lu Victor Hugo et qui vont devenir ingénieurs, je suis désolé. Bah oui, en plus, ce phénomène des migrants, il pose en plus à la fois le problème aussi du mondialisme, parce que tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire avec le reste de la planète, il faut qu'il y ait une espèce d'équilibre, tu vois, qui se rétablisse. Je sais, tu vois, qu'on sorte de ce truc absolu où les gens veulent intervenir. Parce qu'en fait, si tu veux, sinon, il va falloir faire une espèce de mur qui va faire tout autant de ta civilisation, quoi, pour se maintenir des barbares. Enfin, tu vois, c'est quand même un gros problème mondial, quoi. C'est pour ça qu'on est obligé, t'es pas, d'avoir un minimum de discipline et de couilles, tout simplement. C'est même une question d'idéologie politique, c'est que, ok, il y a des migrants, le monde est tel qu'il est, mais à un moment donné, il faut stopper ça. Je vois, on est dans une période où même nos dirigeants, pas qu'au niveau de la France et de l'Europe, mais même au-dessus, je crois qu'ils vraiment, ils font comme le golem de Prague, c'est-à-dire ils ont créé un monstre qui va leur retourner sur la gueule. Parce que c'est pas une question d'humanité, c'est une question de stratégie et de gestion. Tu peux pas accueillir des millions de personnes qui sont dans la misère comme ça et leur donner le gîte et le couvert et les former. C'est même plus une question d'idéologie, c'est une question de technique, tout simplement. Bah, surtout que ça s'est déjà passé dans l'histoire, ça s'appelait la colonisation. Donc, à un moment donné, c'est ça le truc, quoi. Et ça pose un problème, quoi. Là où je ne serais pas d'accord, c'est dans le sens où si c'est fait pour faire péter l'État. Les mecs, ça fait partie de l'idéologie, ça fait partie de leur plan, et ça va faire sauter la France. Et ils vont nous imposer un truc au-dessus pour gérer le problème. Ah, mais. Ah, moi, je le vois comme ça. Ah non, mais ça, c'est évident, ça, bien sûr. Mais ça relève d'un problème mondial, tu vois, c'est ça que je veux dire, quand même. Parce que quand bien même ils ont ce projet, ils peuvent le faire parce que la situation mondiale est ce qu'elle est. Mais bien sûr que oui, on est d'accord que ouais, c'est un plan de longue perspective pour, on va dire, forcer le métissage du peuple européen, le remplacer. C'est pour ça que le mot d'ailleurs de grand remplacement n'est même pas... Il n'y a aucune usurpation, c'est la réalité, ça reflète vraiment une réalité. Et en remplaçant ce peuple, évidemment, n'ayant plus de peuple européen de souche, on va aller vers ce mondialisme et les nations n'existeront plus. On basculera enfin vers l'entité supranationale, le grand fédéralisme européen, puisqu'il n'y aura plus de peuple européen proprement dit, quoi, tu vois. Et évidemment que la France, elle est aux premières loges. En plus, la France, le pays qui a inventé la nation, le concept de nation, quasi. C'est quand même incroyable. Voilà. C'est là où je voulais en venir pour finir le développement. C'est pourquoi c'est la France qui est attaquée de part en part. C'est la fille aînée de l'Église. Donc voilà, on a vraiment détruit toutes les valeurs d'honneur, de respect, de famille et compagnie. Et on voit qu'on détruit les églises. Et on voit que voilà, on implante une nouvelle religion. Et c'est les Blancs qui font de moins en moins de gosses, qui se font avorter à tire-larigot. Et on implante une nouvelle civilisation. Tout ça, c'est un projet qui se fait depuis, pour moi, 200, 300 ans, qui évolue. T'arrives pas 200 000 personnes en claquant des doigts dans un pays tous les ans, quoi. C'est-à-dire que les faits migratoires, ils ont toujours existé. Mais là, ils sont d'une ampleur et d'un phénomène comme on l'avait rarement vu, quoi. C'est incroyable ce qui se passe. Jamais vu. Il y a eu des grandes migrations. La colonisation de l'Amérique a été une grande migration, quelque part. C'est une colonisation directe, voulue. Martin, tu as dit un truc. Ça, c'est très important ce que tu as dit. Si tu peux justement m'autoriser, t'es pas. C'est que tu as dit la France est finie avec l'Église. Ok, je suis d'accord. C'est pas que la France, c'est toute l'Europe, surtout occidentale. Pourquoi ? J'en reviens à ce que j'ai dit. C'est un côté très matériel, c'est qu'il y a le confort de vie là-dedans. Il n'y a pas que la France, il y a toute l'Europe qui est là-dedans. Et je suis de culture catho, j'ai un grand respect pour le Christ, mais à un moment donné, il faut reconnaître les choses. Si le catholicisme, tel que nos ancêtres l'ont connu, n'existe plus, bah, je suis désolé les gars, c'est qui justement il devait s'effondrer. Il faut arrêter de dire des conneries à un moment donné. Je crois. Je te mets au défi de mettre la plupart des Européens, et surtout les Européens de l'Ouest, à aller dire, de se dire catholique fervent, mais vraiment, ils perdent leur vie. Tu n'y arriveras pas. C'est fini. Harmonique. Pour ce qui est du catholicisme en France, il faut admettre que historiquement, depuis précisément en plus les différentes républiques, elles se sont acharnées sur le catholicisme pour le faire disparaître de l'espace public, à tous les points de vue, déjà de tous les pouvoirs qu'il avait, et aujourd'hui on le fait même disparaître dans le peu de représentation, une simple statue ou une croix dans une télé ou sur une pub, on le fait disparaître, pour dire qu'il y a eu quand même un acharnement quand même à ringardiser et à placardiser le catholicisme en France, au nom justement en plus du modernisme, du laïcisme, donc, et la République a œuvré en ça. Mais pour autant, il faut bien admettre que le catholicisme n'est pas mort et qu'il y a encore un énorme fond catholique finalement dans toute cette culture française, qu'elle est empreinte de cette marque catholique. Oui, attends deux secondes. Alors la France, fille aînée de l'Église, alors la France, c'est la fille névrosée d'une mère alcoolique. Hein. Voilà, c'est... Attends, je réponds à tes... Non, mais c'est ça aussi le gros problème, c'est que la France, en fait, c'est la République qui l'a abattue et que ça dure depuis bien plus longtemps chez nous que ailleurs, et que du coup, on n'a pas juste la primo immigration actuelle, mais que nous, on a déjà tout le background qui va avec, quoi. Jessica, non, attends. Même Tepa m'a dit une réponse très sincère. Je vous le dis. C'est pour ça que j'aime bien Adrien Bozzi, mais je suis totalement contre ce qu'il dit. Enfin, contre. Pour moi, il est côté de la plaque. Oui, Tepa, tu as dit, effectivement, on a un passé catholique, j'hérite culturellement de ça. Pour moi, il n'y a pas eu besoin de la République pour ça. Ça s'est cassé la gueule. Parce que le catholicisme n'est pas le christianisme originel, mais tout simplement parce qu'un pouvoir, quand il chute, c'est qu'il est plus assez puissant. Arrêtez de dire des conneries. Moi, je pense que tu te... moi, je suis d'accord avec toi. Je pense sincèrement que le catholicisme, il a été attaqué. C'est-à-dire qu'on a voulu le désinguer. À un moment donné, si tu veux, quand tu n'as plus du tout de relation avec le catholicisme, ni dans ta famille, ni les enfants, ni rien, etc., et que tu le redécouvres par toi-même, etc., enfin, c'est plus du tout la même chose en comparaison d'une époque où même les fêtes sociales, toutes les fêtes, les jours fériés, etc., sont tournées autour des fêtes chrétiennes. Donc, attends, je réponds vite fait, t'es pas, après, je vous laisse pas. Regarde, t'es pas. Un truc tout bon. Oui, moi aussi, justement, je suis attaché à ces fêtes catholiques et tout. J'ai fait mes deux communions, ok. Maintenant, on va dire d'une génération des 2000 ou millénium comme moi, 80, on va dire, ceux qui sont nés, et je commence par les plus récents, au début des années 2000 jusqu'au début des années 1970, on est d'accord ? Qui est fondamentalement catholique en France, vraiment ? Les traditionnalistes, c'est des vacantistes, ces gens-là. Je demande à TEPA. Ah, tu demandes à TEPA. Qui est catholique au niveau... si tu veux les répertorier, je ne sais pas, parce que il y a les catholiques, effectivement, les conciliaires. Après, voilà, c'est des vacantistes. Pour moi, je parlerais de famille chrétienne et de fonds chrétiens à l'heure actuelle, si le catholisme, c'est se référer directement au catholicisme de Rome, du Vatican, du Pape. Je pense que non, mais que, moi je parlerais plutôt d'une âme catholique, d'une âme chrétienne. La France, elle a une âme chrétienne, elle a vraiment une âme catholique, elle est christique. C'est vraiment un pays christique, quoi. C'est-à-dire qui veut le bien d'autrui, qui veut faire en sorte que tout le monde soit bien. Ça, c'est complètement christique, tu vois, de sacrifier pour les autres, etc. Christique, on est d'accord, t'es pas. On peut pas te permettre de sonder les cœurs. Attends, Martin. Je finis de répondre à tes pas. C'est ça, en fait, ce que je t'avais répondu, et par rapport à Adrien Bozzi, que j'aime beaucoup, c'est que, en fait, on peut plus, en France, avoir la foi s'il n'y a pas le sens derrière. C'est-à-dire, on veut bien croire sans comprendre, mais on est aussi le pays de Descartes, que d'ailleurs Adrien Bozzi déteste, c'est qu'on est le pays du pragmatisme. C'est comme t'as dit à Daniel Conversano dans ton émission, pourquoi on ne fait plus la prière avant manger, mais pourquoi on ne fait plus le signe de croix devant le pain? Mais parce que ça n'a plus aucun sens. On n'est plus du tout dans ce monde. On n'est plus dans le monde catholique. Vous, les cathos récents, vous voulez restaurer. Ça n'existe plus, les gars. La foi, la spiritualité est une autre chose. Le catholicisme tel que nos ancêtres l'ont connu est mort. Terminé. Tu travailles en ce moment? Mais bien sûr, je travaille. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Harmonie, est intéressant. Ce qu'il dit est intéressant parce que je suis en plus en accord avec ce qu'il dit. Finalement, on dit la même chose. Moi, je dis que c'est l'âme catholique qui n'est pas morte, mais voilà, je parlerai de chrétien, tu vois, c'est pour ça que je ramène ça au Christ, parce que c'est l'âme. Mais après, oui, le catholicisme en tant que religion... établi, etc., avec tous ces rites et tout, peut-être, oui, ça restera qu'une petite poignée de gens, effectivement. Mais l'âme catholique, au sens de la chrétienté, de la représentation de, tu vois, des grandes valeurs chrétiennes, que la passion du Christ, l'amour, voilà, c'est parce que c'est ça, et ben, je trouve que ça ressemble, ça s'identifie, c'est vraiment charnellement lié à l'âme française. Et c'est pour ça que la France est profondément d'une âme chrétienne, quoi. Ça, je pense que vraiment, quand on comprend la France, on est obligé d'admettre ça, quoi. Alors, je sais pas, excusez-moi, mais quand je disais donc... fille névrosée d'une mère alcoolique. Bon, déjà, quand tu vois le pape qui a fait une psychanalyse, s'il te plaît, imagine Louis XIV en train de faire une psychanalyse, ça n'a aucun sens. Mais quand nous verrons, on reverra des prêtres ou des moines partir dans les banlieues pour convertir les sarrasins, par exemple, ou avoir des actions tous les jours de curés qui font... je sais pas, qui prêchent dans les rues ou qui aident les pauvres, tout simplement, dans les endroits où ils en ont besoin. bah, peut-être que là, ça nous donnera envie de revenir au catholicisme. Mais pour l'instant, le catholicisme, on ne peut pas y retourner. Il n'est plus catholique, il ne fait plus son travail. Ah. Il ne fait plus son travail de catholique. C'est, la République ne fait plus son travail de République, les catholiques ne font plus leur travail de République. Et nous, on est là, on voit tout ce bordel, on pète un câble, quoi. Oui, mais c'est les catholiques officiels. Après, c'est pour ça que moi, oui, effectivement, je distingue ces catholiques officiels qu'on dirait quelqu'un qui suit béatement ce que dirait le pape, des gens qui, tous les jours, ont l'âme chrétienne. C'est pour ça que je parle d'âme. Je place ça sur un plan spirituel. C'est pour ça que je dis alcoolique, parce qu'on peut s'en sortir. On n'est pas mort quand on est alcoolique. Après, pour revenir sur le sujet... Non, attends, Cam, parce qu'il y avait Dar, School et Vitriol qui vont prendre la parole depuis... Vas-y, on fait tomber la parole, vas-y Dar. Ouais, j'ai 3 trains de retard au moins maintenant, donc ça va être un petit peu... Bon, j'ai essayé de le faire en deux phases, hein. Je m'excuse si c'est un peu brouillon. Bon, alors du coup, je vais commencer par Harmonique, ce que tu disais. Bon, j'ai un peu oublié du coup, mais est-ce que ça serait pas tomber dans une forme de simplisme fataliste, comme un destin ancré de façon invariable? Tu ne sais pas si la renaissance est possible ou pas, moi non plus. Ou bien si l'âme d'amour chrétienne perdurera tant avec d'autres évolutions de religion ou de culture, en parlant de la France. Voilà, c'était sur le plan. Bon, après, j'ai été un petit peu hors sujet, mais bon, j'ai mon téléphone, pardon. Sur l'autre plan, ce que je voulais dire, c'était par rapport à la démographie dont on parlait. Pour revenir au problème de démographie, civilisation, mondialisme. Pour contrebalancer un peu et faire un petit peu l'avocat du diable, je voulais juste préciser, en faisant abstraction de la race, de la culture, de la technologie ou toute autre nature humaine, nous, les humains, on a une vision très, très particulière du temps. La conception du temps est très singulière pour nous. Nous vivons plutôt dans le moment présent en général et on a du mal à se projeter à très long terme. Et par conséquent, ne pas pouvoir facilement prévoir les vastes dangers comme justement les problèmes démographiques, les pandémies, les remplacements de populations à grande échelle dont on parle. Voilà. Avons-nous réellement les capacités ou la nature profonde de faire face à cela? Et ça rejoint d'ailleurs ce que tu disais, Harmonique, est-ce que justement ça serait un fatalisme en clair? Bon, bah ça c'est fini et on passe à autre chose, quoi. Alors, excusez-moi si j'étais un peu brouillon. Je vais te répondre. Attends, il y avait School qui voulait dire quelque chose. Excuse-moi. Parce que t'as beaucoup parlé, Harmonique. C'était juste pour confirmer, en fait, j'étais d'accord avec toi sur Harmonique dans le fait où en France, voilà, il n'y a plus trop de catholicisme. Mais pour avoir fait le tour de l'Europe l'année dernière, franchement, Espagne, Portugal, Italie, Croatie, ils sont encore bien, bien, bien présents. Donc après, peut-être que voilà, ils sont peut-être bien tapés sur nous parce qu'on était la mère de l'Église ou de Jésus-Christ, mais ils ont peut-être oublié les autres. Et je pense que c'est peut-être là aussi, on peut avoir peut-être de l'espoir, quoi. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que la France est attaquée de part en part, justement, parce qu'elle a ces valeurs-là de main tendue, de protéger la veuve et l'orphelin. C'est pour ça que la France est un pays pas du tout raciste et avec les frontières open à gogo, quoi. Parce qu'on a ces valeurs-là. Regarde, ça veut dire que, bon, t'es entièrement d'accord avec ce que je disais tout à l'heure, que la France, elle emprunte ça. Alors, ça veut dire que si on se place d'un point de vue conspi bac plus 8, je me dis, la France, fille aidée de l'Église, attaquée donc de façon mystique, ça voudrait dire que la France, c'est le bien, donc il y a des forces du mal qui l'attaquent. Tout à fait. Et les forces du mal, qui sont-elles? C'est l'infiltration du... Ah, attention, on n'a pas le droit de le dire. Je vais vous dire... Je ne vais pas partir dans le délire de la... Non, mais je fais volontairement ce raccourci, mais quelque part, d'un point de vue mystique, tous ceux qui développent en tout cas les théories un peu, qui paraissent complètement farfelues, qui placent ça justement sur une grande mystique, ça tient quand même la route, quoi. Ça tient quand même la route, puisque la France, fille aînée de l'Église, toutes ces organisations, on va dire, aussi, d'ailleurs, qui sont sur un plan spirituel, parce que la franc-maçonnerie, c'est quand même hautement spirituel, eux se sont acharnés à détruire le catholicisme en France, la chrétienté, et là, on voit que ce sont des gens qui imposent un changement, un basculement civilisation avec un remplacement de population. C'est complètement incroyable, quoi. Sous nos yeux, ça se passe sous nos yeux. Bah, vous avez parlé de la religion comme un salut et comme aussi une cause de tous nos problèmes actuels. Mais il y a aussi un problème économique. Et comme dit Jacques Attali, voilà, les migrants vont faire de l'Europe la première puissance mondiale. Voilà. Vas-y, Vitriol. Vas-y, Vitriol, si tu voulais intervenir. Ouais. Alors, je sais plus du coup non plus. Ah si, ça y est. Je voulais revenir sur le phénomène d'athéisme qu'on évoquait juste avant, là, au sujet de la France, mais qui, en fait, à mon avis, touche la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, hormis, effectivement, à l'exception de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie. Mais pour ce qui est de la France, de la Grande-Bretagne, de la Belgique, des Pays-Bas, même de l'Allemagne, en fait, il y a quand même un athéisme qui, à mon avis, est lié, en fait, au niveau de rationalité des gens, en fait, au fait qu'on ait atteint un degré de modernité, un degré civilisationnel de confort tellement élevé que les gens détachent en fait la question de Dieu de leur question quotidienne, et qui fait que justement on a aussi ces problématiques-là d'identité. Parce que si on prend l'exemple de la Pologne, qui elle est restée attachée à sa religion, eh bien, ils se défendent naturellement contre divers phénomènes liés que le mondialisme tente d'appliquer chez eux. Donc, c'est pas un phénomène qui touche uniquement la France et qui serait lié uniquement au fait que la République est tapée sur le catholicisme, etc. C'est un phénomène, je pense, général, qui est vraiment lié à l'état d'avancement des civilisations de certains pays d'Europe de l'Ouest, en fait. Ouais, complètement, ouais. Non, mais t'as raison, bien sûr. Non, mais t'as raison. Mais quand même, ça touche les pays chrétiens. Voilà. Mmh. Oui, il y a une perte de vitesse de la chrétienté, hein. Oui, absolument. Même si ça revient quand même, je le constate aussi, même en France, hein, il n'y a pas de problème. Il y a un nombre de baptêmes en recrudescence qui est assez important. Et tant mieux, mais ça va être difficile à contrer sur le plan de la masse. Oui, parce que c'est, si tu veux, c'est l'extinction, quand je parle de l'extinction civilisationnelle, c'est aussi justement l'extinction de cette chrétienté, quelque part. Tu comprends ? C'est incroyable. Quand on développe vraiment le sujet de la politique dure globale, on ne peut pas nier qu'on tombe sur le phénomène. Tout est basé sur les religions. Tout est basé là-dessus, quand tu vas jusqu'au bout. C'est une attaque frontale à nos valeurs chrétiennes, ce qui est en train de faire. Mise en place de l'islam sur le territoire européen, tout est basé là-dessus, finalement. Et la masse étant détachée de ça, eh bien, elle ne se protège pas, en fait. C'est comme si elle avait perdu son anticorps, quelque part. Je vois un peu comme ça. Ah, je te suis. Pour moi, on l'a détachée de tout ça. Tout est un plan... C'est comme un anticorps. Tu vois, la Pologne l'a conservé, et naturellement, les mecs, ils font un cercle géant autour de la Pologne et une prière nationale. Enfin, c'est en France, ça paraît inconcevable. Ouais, complètement, ouais. Même si ça serait magnifique. Mais justement, évidemment. Les Français... Tu peux intervenir ? Non plus logiciel. Ah bah vas-y, tiens Véronique, allez. Oui, on vient de me démute. Alors comme par hasard, ceux qui sont chrétiens, on les a coincés. Je voudrais juste vous dire que vous voyez peut-être ça en ville, mais qu'à la campagne, les églises, elles sont pleines. Hein. C'est pas, je peux pas dire que c'est général, mais en tous les cas, il y a un retour quand même à la croyance. Maintenant, je sais pas si c'est catholique, protestant. Enfin, moi, je regarde les catholiques puisque je suis catholique. Moi, je vous dis que dans les villages, bah, les églises, elles sont pleines. Tous les dimanches, c'est plein. Alors, ça m'étonne un peu que vous disiez que c'est oublié. Je pense pas que ce soit oublié, pas du tout. Véronique, je t'empêcherai un dit, peu. Il n'a pas dit oublier. Il a dit que les gens ne suivaient plus la coutume comme ce fut à l'ancienne, où vraiment on était attaché à suivre la coutume, les rites. Il dit que ça s'est perdu largement dans la population. Et il est vrai qu'en ville, les églises sont pleines, mais souvent, il faut bien le dire, ce sont souvent des Africains. Beaucoup d'églises, c'est des Noirs, clairement, que ce soit d'ailleurs protestants ou catholiques. Ouais, mais est-ce que ça va aussi en ville, ouais, particulièrement. Est-ce que mais si tu veux, moi, je voulais juste dire, mon arrière-grand-mère, elle allait à l'église tous les jours, tu vois. Et en fait, ça, aujourd'hui, ça n'existe. Moi, je vais à l'église, par contre, il y a surtout des personnes âgées pour être à un party. Ouais, mais bon, alors si tout le monde va à l'église, tous les Français vont à l'église, est-ce que ça va régler nos problèmes actuels avec les migrants, etc.? Oui, parce que Dieu va nous aider à enfin entendre nos prières. Ça n'a rien à voir, c'est juste une question d'appartenance. Je réponds à ça, parce que là, c'est un peu fallacieux. Oui, parce que effectivement, la question, oui, est-ce que ça va nous aider, c'est un peu moqueur, mais quelque part, ce serait en tout cas un liant communautarisant très fort. Et un axe communautarisant et avec un pouvoir établi, puisque il y aurait l'autorité de la religion. Donc dire que ça n'a pas d'intérêt, moi je suis contre. Je pense que oui, c'est un grand intérêt. Alors pour information, il n'y a plus de place à Saint-Nicolas du Chardonnay, il faut réserver. Donc moi je propose aux gens d'aller faire un tour le dimanche peut-être dans les églises de leur quartier, désespérément vides. Allez faire un tour. Mais d'ailleurs, on le voit très bien, on parle de la communautarisation des extra-européens, alors que dans leur propre pays, ils savent pas, un Algérien n'arrive pas à supporter un Tunisien ou un Marocain. Enfin, ce qui fait que sur notre sol, ils sont, je ne vais pas vraiment dire qu'ils sont unis, mais un peu plus peut-être, c'est cette appartenance par rapport à l'islam. Nous, on n'a plus tout ça, il n'y a rien qui nous transcende. Ça n'a rien à voir avec le fait de prier et Dieu, etc. Moi, par exemple, je suis agnostique, mais je reconnais sans peine que une religion comme le catholicisme pourrait faire, comme disait Tepa, office de lien. Je voulais dire que nos élites, ils s'en foutent de la religion. Pas du tout. Bah, ils sont laïcs, ils sont laïcs. Justement, bah oui, ils ont bien compris. Et que, de toute façon, oui, c'est clair qu'ils s'en foutent. Mais moi, je pense que, si tu veux, la question religieuse au sens au plus où... Moi, j'aime la chrétienté ouverte, en fait. J'aime cette chrétienté d'amour, d'un Christ qui tend les bras. Ça, c'est vraiment, je trouve, un message qui est vraiment important. Même si je constate qu'aujourd'hui, dans la recristianisation qui est en train de se faire... Il y a certains chrétiens radicaux, que je qualifierais même de chrislamistes, qui eux se chrislamisent, c'est-à-dire qu'ils reprennent le côté imposition très coercitif de l'islam, qu'ils retranscrivent dans le catholicisme, et ils ont cette attitude aussi, des fois, même aussi dans le débat et l'échange. Ça, par contre, je n'aime pas du tout cette branche-là. C'est en ça que, oui... le catholicisme, on ne peut pas lui donner de pouvoir institutionnel, mais il peut avoir un fort pouvoir pour la représentation, quoi, parce que c'est un logiciel naturel très fort. Mais après, pour le côté, on va dire, institutionnel proprement dit, pouvoir politique, certainement pas, quoi, parce que non, on ne peut pas avoir confiance, clairement. La France s'est bâtie là-dessus, quoi, depuis... Pendant 1000 ans, ça s'est bâti sur le christianisme. Oui, c'est surtout grâce à l'Empire romain. Oui. Bah, c'est un tout. La France, c'est un tout. Donc, oui, il y a eu le christianisme. On sait qu'il y a eu la période d'avant, les religions païennes des Romains, etc. Il y avait certainement le fond aussi des Celtes, etc. Enfin, tu vois, c'est un tout. De toute façon, tout est lié. Et le catholicisme, en plus, il a comme particularité d'absorber et d'universaliser tout. Mais je trouve que, en tout cas, voilà, la chrétienté, en tant que... Quand on comprend l'âme française, je pense que oui, c'est complètement lié. Penser que la France ne serait pas liée à la chrétienté, c'est pas comprendre la France. Je peux intervenir, s'il vous plaît ? Avec plaisir. Oui, vas-y Véronique. Vous disiez que nos élites se fichaient pas mal de la religion, qu'ils étaient laïcs. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire au dîner du CRIF ? Ils y vont tous ? Bah, ils sont francs-maçons, voilà, ils se font dans les lobbies. Ils ne sont pas religieux, mais ils ne s'en moquent pas du tout. Ils sont anti-religion, mais ils veulent la désinguer, comme tu as dit tout à l'heure. Mais ils ne s'en foutent pas du tout. Leur projet, c'est vraiment de détruire le catholicisme et de mettre en place l'islam en Europe. Je n'ai pas honnêtement les chiffres, hein, mais je pense qu'un bon 90% des politiques... se foutent royalement de la religion, qui sont plus laïques, lobbyistes et comme disait, hein, je parlais d'Attali qui disait les migrants vont faire de l'Europe la première puissance mondiale. Un mec comme Attali se fout royalement de la religion, hein, ça c'est sûr. Là, Bah, ce sont des, comment dire, des personnes qui sont. Non, c'est un parisien. Oui, non, bien sûr, mais enfin, c'est-à-dire, il fait partie de cette caste de dirigeants et qui font des lois et après, nous, on subit, quoi, on subit les conséquences. Alors, tu vois, Kamkam, moi, je te dirais, même s'ils s'en fichent, nous, c'est pas notre problème, on n'est pas obligé de faire les choses uniquement par rapport à eux. Si nous, ça peut nous permettre de retrouver des unités nationales dans nos pays, je vois pas juste parce que sont laïcs et qu'ils s'en fichent pourquoi on s'en priverait en fait. Exactement. D'autant plus que je suis pas totalement d'accord avec toi parce que quand tu vois l'ardeur avec laquelle ils s'emploient à supprimer tous les codes chrétiens, etc. On veut pas voir de crèche dans telle mairie, on veut pas voir ci, on veut pas voir ça. Je suis pas sûr et certain qu'ils s'en fichent de la religion. Oui. Effectivement, alors si effectivement si 90% des Français sont catholiques, oui effectivement il y aura du changement. Mais bon, d'ici là, je... Mais ça remonte à quoi ça, franchement, posez-vous la question. Ça remonte à quoi justement, hein, le christianisme originel qui est défoncé par ces gens. Ça veut dire quoi? Regardez. Il y a défoncé le système trinitaire par excellence. Regarde. Jésus, qui est dit de Nazareth, qui n'est pas de Nazareth, est le Nazaréen. Il est né quelque part. Où? Je vous pose la question. Il est né à Bethléem. Bah oui, à Bethléem. Effectivement, la ville de Nazareth a été fondée 400 ans après Jésus. 400 ans après Jésus, la ville de Nazareth, effectivement. Ah, vas-y, il y a là. Mais ça ne vous est pas venu à l'idée que en fait, justement, Jésus était justement le juif qui a fait exploser tout ce qui était avant, tout simplement. Pourquoi? Si tu as lu la Bible, tu t'en rends tout de suite, quoi. Bah, lisez les évangiles. Les racines des évangiles, je suis désolé, c'est-à-dire du christianisme originel, elles sont pas hébraïques. Elles sont égyptiennes. Lisez bien les évangiles. Ouais, mais bon, ouais, mais bon, ça, on ne fera pas le catéchisme de chacun ce soir. Hein. C'est pas ouais. Le but. Ouais. Mais c'est de savoir, est-ce que on prend ce logiciel chrétien, c'est-à-dire ce qui reste de religion, est-ce que c'est opportun? Voilà, on a parlé d'Adrien Abosi. Adrien Abosi, lui, c'est clair, il prône la re-christianisation. Et il pense que c'est une clé pour revenir à un ordre naturel et justement combattre l'ordre nouveau, quoi, qui est un ordre destructeur. Donc, il place ça sur ce plan-là. Est-ce que c'est opportuniste, opportun, pardon, ou pas, de pouvoir le faire? Voilà, la question, je pense qu'elle est plus là. Moi, j'ai exprimé mes réserves, je l'avais fait même dans l'émission avec lui, justement, sur ce catholicisme conciliaire. Alors, eux, ils s'en séparent, évidemment, ils se traduisent comme étant catholiques. Alors, c'est bizarre, parce que les catholiques, c'est qui? Alors, effectivement, est-ce que c'est les conciliaires? Est-ce que c'est les cédévacantistes? Est-ce que c'est... qui sont les catholiques aujourd'hui? Donc, ça devient compliqué. C'est pour ça que moi, je parle de chrétiens. Et c'est d'admettre que la France est liée à cet héritage chrétien sans pour autant donner le pouvoir à l'Église. Voilà. C'est pour ça que t'es pas... Que attends, un peu, parce qu'Anto voulait réagir, je pense. Tu voulais réagir, Anto? Ouais, parce que je voulais dire, pour en revenir un peu à ce qu'on disait, plus centraliser le débat, mais je pense que, tu vois, on a un gros problème, en fait, encore une fois, alors pour revenir à ce que dit Tepa, avec ce problème de notre histoire et de l'accepter. On a une montée on déteste de plus en plus tout ce qui est d'origine française et ce qui est l'histoire de la France. Et je pense que ça, c'est un problème, notamment avec Mélenchon, qui a fait tout un scandale, pour l'intervention de Macron auprès de l'Église. Et par contre, qui ne fait pas de scandale quand il y a un gars de son parti qui va avec des migrants protester dans une basilique, quoi. Justement, c'est ce que je disais. On parlait du catholicisme, il y a Tepa qui a parlé d'Adrien Abosi. Le vrai, pour moi, pas catholicisme, mais christisme, pour revenir en France, qui est vraiment l'origine de la France ces dernières ces derniers siècles, même si elle est tentée de paganisme, c'est le christianisme. Mais seulement, on ne peut pas dire, tu peux pas ramener la foi en France en disant oui, je crois sans croire, sans le sens derrière. C'est qu'on est le pays du pragmatisme, mais aussi de la foi. C'est que c'est ça la puissance de la France, c'est qu'on a un passé païen et il y a eu le catholicisme qui est venu dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dire Jésus-Marie, oui, certes, mais il faut qu'on en comprenne le sens. C'est pour ça que le catholicisme ne marche plus. Moi, franchement, t'as compris le sens, toi ? Bah non, mais le sens dont, si tu veux, pour moi, tu peux pas avoir une authentique spiritualité s'il n'est pas rattaché au monde dans lequel tu veux et tu vis, surtout. C'est que moi, j'ai vu, ne serait-ce que mes grands-mères, surtout, d'ailleurs c'était avec des femmes, c'est qu'elles ne se posaient pas la question, c'était Jésus, tu vois. Ça n'a pas empêché qu'il y en a une des deux, ma pauvre grand-mère qui était décédée d'un cancer, bref. Mais c'est que le côté « on croit » sans chercher à comprendre, ça ne peut plus marcher. Tu vois, c'est-à-dire, on peut avoir une foi, une spiritualité très forte, mais on est dans le pays du pragmatisme, le pays qui calcule, le pays qui comprend ce qu'est la nature, le pays qui comprend que 1 plus 1, ça fait 2. On n'est plus dans le temps où, c'est comme j'entends certains musulmans, pas tous, hein, Inch'Allah, quoi. C'est-à-dire, Dieu le veut, mais non. Pour nous, c'est pas Dieu le veut, c'est on a une potentialité de destin et après on a un libre arbitre. Tu vois, c'est qu'il y a on est quand même le pays qui a fait la fusée Ariane, qui a fait le Concorde. Réfléchissez. Ouais, tu peux pas. Le rapport avec le fric. Excuse-moi, tu peux pas. T'es en train de me dire que on a des origines païennes et qu'il faut pas les oublier, qu'il faut revenir dessus et en même temps t'effaces l'histoire. Chrétienne de la France, donc c'est à dire qu'en gros tu reviens dans le passé derrière encore en parlant justement du côté païen, donc tu reviens encore avant le catholicisme et après et après t'es en train de dire que le catholicisme faut le laisser de côté, donc il y a un paradoxe. Non, c'est que je dis donc nous on appelle le catholicisme justement l'universalisme comme on l'a connu là-bas, c'est le christianisme tout simplement, le Nouveau Testament. Ce que je veux dire, il y a des choses très puissantes et profondes dans lesquelles je crois et dont j'ai la certitude, c'est dire le Christ. Mais c'est que on n'est plus à l'époque où t'allais prier sans comprendre. Tu disais Jésus, t'étais dans un genre de fanatisme incontrôlé, tu vois. C'est-à-dire, il faut qu'on ait au moins une compréhension de la chose. Je vais t'avouer un truc, Anto, là, tu me dis un truc vraiment bien. C'est que je suis déiste, que ce soit pluriel ou singulier. C'est-à-dire que moi, j'ai la certitude que si on existe et qu'on peut se parler en ce moment, c'est qu'il y a une raison et qui ne s'appelle pas forcément le hasard. Mais, à un moment donné, on vit dans un monde où on est, où on vit, où on meurt. Okay, il y a des lois physiques. Et croire à des choses en disant « c'est Dieu ». Pour moi, quand on dit « c'est Dieu », c'est comme tu as des médecins qui comprennent pas la guérison d'un patient qui disent « ah ben, c'est l'effet placebo », tu vois. Mais non, c'est pas que c'est l'effet placebo. C'est que tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais c'est pas pour ça que c'est un phénomène naturel et physique. Après, pour revenir à nos moutons concernant les migrants et tout ce qui est religion, christique, etc. Moi, il y a un côté où ça me fait peur, parce qu'il y a un côté apprenti sorcier. Surtout quand on voit que le pape baise les pieds d'un migrant et que la religion chrétienne elle est souvent, elle est bonne, il y a de la bonté, ils aident les souffrants. Donc si tous les chrétiens en France, si la France devient chrétienne, est-ce qu'ils vont justement, ils vont aider l'entrée des migrants, etc. Enfin, est-ce que j'ai peur que ça fasse finalement l'effet contraire de ce qu'on a envie de changement, quoi, de régler nos problèmes actuels. Comme Jacqueline qui va porter les raviolis. Mais ça, c'est exactement. Un point intéressant, c'est que il y a Wanastra qui voulait réagir. Et après, ensuite, tu enchaînes après Wanastra, si tu veux. Oui, c'était pas rebondir par rapport à la citation de Cam Cam que Jack Attali a fait. J'aimerais bien savoir comment Jack Attali peut savoir que la France sera première puissance mondiale avec une certaine population, alors que cette certaine population a une capacité de réflexion très lente. Donc il faut leur redire plusieurs fois comment faire les choses. Je ne sais pas comment ils comptent faire ça, mais pour moi, ça va être très très dur. Ou alors il va se planter quelque part. Hein. Vas-y Jessica, ouais, ensuite il y avait Comrade, tu penses? Je disais juste que à la différence, enfin, faut pas confondre les tradis qui sont généralement catholiques et les catholiques qui eux sont très rarement tradis, quoi. Ils ont plutôt tendance justement à être dans des valeurs d'universalisme, d'ouverture, d'accueil, de bonté et de générosité, effectivement. D'où un risque. Et tu parles des tradis sur ta dernière pensée. Parce que si tu parlais des tradis, moi je suis pas forcément d'accord avec cette idée-là. Non, je disais qu'il y avait. Tu peux faire le chemin dans un sens, c'est-à-dire que effectivement la plupart des tradis sont catholiques, mais la plupart des catholiques ne sont pas forcément des tradis et loin de là généralement. Tout à fait, tout à fait. Tu voulais réagir, Comrade? Ouais, je voulais juste dire, il y avait l'intervenant juste avant Madame ou Mademoiselle qui feignait ou qui s'étonnait de ce que Jacques Attali prétendait que l'Europe bénéficierait économiquement de l'arrivée des migrants. Non, c'était surtout la France. C'était par rapport à la France. D'accord. C'est l'Europe qui l'avait dit. C'est l'Europe. En fait, l'observation que tu faisais concernant le fait que il s'agit de personnes qui viennent de pays moins éduqués, peut-être moins cognitivement performantes dans la globalité, ça joue pas forcément. Je pense que dans son esprit à lui, il s'agit juste, tout simplement, de gens qui accepteront des salaires inférieurs aux autochtones. Donc, je pense que c'est ça la première. Le premier facteur qui lui fait tenir cette équation. Le deuxième, ça peut être aussi tout simplement de la malveillance, puisque, bon, on est d'accord, il est convaincu que la France tirera un parti indéniable de l'arrivée de migrants. Néanmoins, là, actuellement, Benjamin Netanyahou n'est pas du tout d'accord avec lui pour faire la même observation à propos d'un pays qui est cher au cœur de Jacques Attali. Donc, Je pense qu'il y a à la fois le fait de se dire on ne fait pas venir des ingénieurs, on ne fait pas venir des Voltaire, des gens qui vont faire décoller des navettes spatiales et nous opérer des tumeurs du cerveau. Non, on fait venir des gens qui vont, a fortiori, accepter de travailler pour des salaires que nous n'acceptons pas. Ça, c'est vieux comme le monde. Marx l'avait déjà dit, même si moi, personnellement, je ne suis pas marxiste. Et l'armée de réserve du capitalisme, la voilà, elle arrive en ce moment. Mais tout ça est amusant. C'est vrai que tu parles beaucoup de Jacques Attali parce que c'est très, très énervant, mais les observations de Jacques Attali, c'est toujours intéressant à chaque fois qu'il finit une phrase et de dire « Oui, viens, si on faisait la même chose dans un autre pays qui est cher à ton cœur, et là tu te rends compte que tout n'est que malveillance, pure et simple. » Ouais, exact. Mais bon, je suis pas contre le christianisme, hein. Loin de là. Je suis d'accord avec ce que disait Tepa. Voilà, pour que ça forme un lien avec le peuple, hein. Revenir à la base, aux fondamentaux, je suis pas du tout contre. Hein. J'ai juste des petites craintes que ça peut faire l'effet contraire. Je suis très d'accord avec toi là-dessus, parce que quand Tepa disait qu'il y avait quand même un fond de christianisme en France, je me dis ça se voit pas forcément dans les églises, ça se voit pas forcément dans la pratique des gens et dans leurs discours. En revanche, ça se voit, ne serait-ce que dans cet afflux migratoire, il est accepté par le peuple français, même si c'est pas dans sa majorité, mais sa tolérance à ce phénomène-là, je pense que c'est une réminiscence de la façon dont on a compris, parce que c'est comme ça qu'on nous l'a transmis, parce que je pense que ce n'est pas dans l'exactitude qu'on comprend le message du Christ, c'est l'ouverture à tout un chacun, le fait de tendre la joue et d'être dans l'abnégation en face de la misère d'autrui. Et je pense qu'il y a quelque chose dans ce pays qui se veut profondément laïque, de très catholique dans la façon d'accepter tout un chacun, n'importe comment et en dépit du bon sens, surtout dans le cadre de cette crise migratoire. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, camarade, mais vraiment. Et c'est justement ce front français catholique qui fait que les gens aussi acceptent, parce que la bonté de recevoir l'être qui est en détresse, l'autre, etc. Et puis le catholicisme, c'est l'universalisme. D'ailleurs, ça veut dire universel. Et donc, voilà, on reçoit l'autre, peu importe sa couleur, peu importe d'où il vient, peu importe même qu'il ne soit même pas chrétien, c'est même pas important. Et ça, c'est complètement catholique, quoi. C'est complètement chrétien, en tout cas. C'est le sacrifice, comme ça, pour toute l'humanité. C'est vraiment une mentalité chrétienne. Et c'est propre aux pays chrétiens de raisonner comme ça, parce que les autres pays qui ne sont pas chrétiens, ils ne raisonnent absolument pas sur ce modèle-là. Il y a un adage qui dit on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et puis il y a le côté aussi, le pardon, toujours le pardon, c'est-à-dire que quels que soient les phénomènes que nous observons suite à ces arrivées migratoires, il y a un principe de pardon éternel en vertu de la souffrance des gens, etc., qui entre toujours en ligne de compte. Mais tout ça, c'est vrai que c'est qu'une façon un peu biaisée d'avoir interprété le message du Christ, parce que il me semble, je me trompe peut-être, moi je ne suis pas chrétien personnellement, j'ai une sympathie envers la religion que moi j'estime être la religion de mon pays, mais il me semble qu'il y a une chose qu'on a oubliée, c'est que charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout à fait, je suis complètement d'accord, le message a été biaisé, tout à fait. Tendre l'autre joue, le pardon éternel, tout ça c'est de la grosse connerie pour assouvir le pays. Dans la Bible, c'est tu te fais attaquer, défends-toi. C'est pas autant... Non, pas dans la Bible. Ah. Ça vient de l'Ancien Testament, le Nouveau. Non. D'accord. Faut arrêter les jeux. Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Oui, mais ça, c'est juste dans le Nouveau Testament. C'est une des phrases violentes qu'il y a dans le Nouveau Testament. Il faut arrêter les conneries. Il y avait... C'est pas harmonique. Jésus, il chasse les marchands du temple de façon très violente. C'est pas un non, oui, mais il les tue pas. Il répond pas le sang. Il faut arrêter les conneries. Il répond pas les gens, mais il répond fermement pour autant. Et le collectif Génération Identitaire, ils sont catholiques, traditionnels, ils sont quoi? Vous êtes au courant ou pas? Souvent catho-tradis. C'est juste des Européens caucasiens qui veulent limiter l'invasion extra-européenne, tout simplement. Ah ben moi, j'ai regardé BFM, j'avais cru comprendre que c'était juste des nazis, en fait. C'est vrai. BFM, on n'entendait pas bien. Jésus était nazi. Merde. Ouais, bon, il est pas loin de l'antenne. Ça y est, il est minuit. Ah ouais, c'est l'heure. Tu sais, il y a une heure limite. Après. Faut plus qu'il bouffe, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Après minuit, c'est mort, quoi, tu vois. Tu voulais dire quelque chose, là? Ouais, allez, petite. Allez, les dernières phrases, allez, c'est la fin. Allez, vas-y. Ouais, une petite pression quand même. Non, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, Harmonique. Tu parlais de déisme, mais à la fois tu parlais de pragmatisme à la française. Et j'ai l'impression que tu es quelqu'un d'assez cartésien par rapport à ça. Ça me paraît un léger oxymore, mais bon, passons. Quelles que soient les diverses pensées dans un système comme le nôtre, pour moi, un anticorps, ça reste fondamental à notre survie face aux envahisseurs potentiellement dangereux. Il peut être sous deux formes, je dirais la forme laïque ou bien la forme chrétienne. Il n'empêche que notre fondement est chrétien, ainsi que les grandes bases de notre patrimoine culturel, ainsi de suite, nos valeurs. Et il n'empêche surtout qu'il y a encore beaucoup de catholiques qui, eux, sont encore fervents croyants en France. Il ne faut peut-être pas les mettre de côté. Même si beaucoup sont agnostiques ou athées aujourd'hui, c'est une réalité, n'oublions pas que ces croyants défendent encore ces valeurs bien présentes. L'islam ou autres religions seront toujours détectées comme un virus par ces anticorps. C'est une petite allégorie, mais je pense que c'est intéressant. Bah, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. C'est bon, c'est mal compris, mais je suis d'accord. Il y avait un personnage, il s'appelle le Christ. Bon, bah, il a juste dit des phrases de bon sens, tout simplement. Ok, bah, on est d'accord sur ça. Comme il a dit, d'ailleurs, je citais une phrase du Christ pour finir, il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Donc, ça aussi, c'était certainement visionnaire. Voilà. Bah, merci à vous, les gars, pour cette petite session. Merci à tout le monde. Et puis on se rejoint bientôt quoi. Bon, voilà. Si vous voulez dire au revoir, vous pouvez. Au revoir, le temps. Merci à toi, t'es pas. Shabbat shalom, tout le monde. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, nous à, toi. Merci à toi, Topa. Franchement, au secours, t'es pas. Allez, salut. Topa, au secours. Ouais, non, parce que je balance du son. Vas-y, vous pouvez me dire vos conneries. Merci, merci. Allez, salut.